et bienvenue pour votre nouveau numéro de Casse sur Table avec 2 mois de retard cette fois-ci, on est de plus en plus fort. Ouais. Voilà, applaudissements à nous-mêmes, bonjour. C'est vraiment pitoyable. Autour de la table avec moi, Sally. Bonjour. Issam. Ouais. Non, Issam j'ai dit. Ah, le vrai, bonjour. Hans. Ah, et j'ai trouvé une histoire de mon armée, c'est très intéressant. Non, et moi je me désolidarise. Et Nécro. Non, non, mais moi je suis plus là. Alors, vous l'avez peut-être noté pour la présentation des gens, il n'y a pas Alex autour de la table, puisque Alex quitte l'aventure Casse sur Table. Oh. Ne fais pas semblant, tu es triste. Sally, alors que tu as participé à son éviction. J'ai trouvé ça que c'était très vache quand même les coups que tu lui as fait. Hein. Non, non, rassurez-vous, il n'y a aucun, il n'y a aucune brouille entre nous. Il n'y a aucune séquelle dure. Aucun animal n'a été blessé pendant les tournages. Tu veux dire quelque chose, Sam ? Non, non, moi j'allais dire il n'y a aucune brouille, si, entre lui et moi, mais on s'est jamais aimé, même quand on enregistrait, donc ça compte pas. C'est vrai. Mais il en a beaucoup, Hans, par contre. Oui, je sais, nous continuons à nous voir régulièrement d'ailleurs, je fais son éducation. Non, bon, on explique un peu pourquoi il a... Oh bah parce qu'il est parti, parce qu'il en avait marre, tout simplement, des enregistrements, et puis c'est tout. Il n'y a aucune brouille entre nous, c'est juste, c'est juste un effet de lassitude. Mais donc c'est un choix de sa part, hein. C'est pas nous qui l'avons... C'est pas nous qui l'avons viré. C'est pas nous qui l'avons viré. On s'est pas dit, oh, t'es... T'as vu ce silence qui était bien placé. T'as vu cette art du storytelling. Tu vois, Sam, tu feras bien c'est le rigolo, montage. C'est rigolo parce que c'est pas nous qui l'avons viré, c'est lui qui a décidé de partir, c'est ce que disent les gros patrons d'un employé. En général, oui. Non, mais... Après, avec un peu de chance, il nous écoute toujours, on peut l'insulter. Salut, connard. Bon, on a beaucoup de choses à aborder vu qu'on a un petit peu de retard, effectivement. Ah, non mais c'est vrai, c'est juste qu'il y a une liste assez conséquente de trucs vraiment intéressants en plus. C'est pas comme si c'est déjà arrivé qu'il y ait des podcasts où il y avait de la merde et c'était facile de dire bon ça c'est OZEF sur 20, ça c'est nul, ça voilà, et puis de passer aux choses vraiment intéressantes. Là on a une liste conséquente de choses intéressantes. Ah non mais même quand on a de la merde, des fois on passe une heure dessus. Hein. Dino Sapiens, on avait passé un temps fou dessus alors que le truc il méritait pas plus de 2 lignes. Oui mais c'est de la merde, Dino Sapiens c'est de la merde VIP. Ouais, c'est vrai. Commençons donc ce tour d'horizon des dernières lectures. Avec In One Last Moment, édité par Soleil Manga chez nous, écrit et dessiné par Fukuda Kentaro. L'histoire d'un lycéen Mamoru Kaname qui voit quand les gens doivent mourir. Oui, c'est. Et qui lui-même. Frôle la mort à un moment. Frôle la mort. C'est pour ça qu'on l'appelle le dieu de la mort à l'école. Et du coup, bah, quand tu vois les gens. Enfin, quand tu vois à quel moment les gens vont mourir, bah, quand c'est tes potes, t'essayes de les sauver, forcément. Sauf que ça lui joue des tours. Bah ça lui coûte très cher déjà physiquement, hein, on va dire. Voilà. Mentalement aussi un petit peu quand même. Voilà. Quand tu vois ton corps qui se transforme en squelette au fur et à mesure, je pense que mentalement ça va plus trop. Et puis il en garde des cicatrices noires après très durables sur le corps, donc c'est ça. Il va bien après. Et on va pas trop en dire non plus puisque c'est un one shot. Et il y a un léger petit problème, il me semble qu'on est tous d'accord autour de la table, c'est que le début est très très bien, ça va très vite, et la fin est légèrement bâclée. Ah c'est rushé la fin. C'est moi je trouve tout rushé globalement, hein, même le début. Mm-hmm. Je pense que ça aurait pu faire un truc très bien sur 2-3 tomes. Oui là on est d'accord. C'est 3 tomes c'est rushé pour moi. Tu vois, mais c'est quand même pas mal. Hein. Tu vois le premier chapitre je trouve plutôt prenant, pas du tout rushé au final. Bah, surtout qu'en plus, je veux dire, dès le deuxième tiers ça commence à remettre des trucs en plus dans le lore de l'univers et tu te dis bah. Ça va servir à quelque chose, et non, ça n'a pas le temps de servir à quelque chose de concret, ça. Et merde, bon, bah tant pis. Et c'est dommage, parce que visuellement, c'est plutôt joli. Mm-hmm. Mais ça me fait penser un peu à ce que. Je sais pas si vous vous souvenez, Dresseuse de monstres, où il y avait tout un univers qui était mis en place, et finalement, tu te dis, ah bah, cet univers, il se passe plus rien, voilà. Le coup de cœur d'Issam du premier épisode. À chaque fois, tu fais de ces parallèles, quand même. C'est pas ça, c'est qu'en fait, tu sens le truc qui a finalement été limite allumé en route et a dû être cuté. Après, c'est quand même assez. Cool. Enfin, c'était le cas de pas mal de séries qu'on a fait, hein, oui. De toute façon. Ouais, bah oui. Là, c'est quand même assez différent. Dresseuse de monde, finalement, il n'y avait pas de fil rouge, donc ça passait mieux que là. Oui, c'était un chapitre, une histoire. Ouais. Mais là. Puis c'était quand même vachement mieux. Ah, c'était mignon. Ça n'avait rien à voir. C'était mignon. Et c'est lui qui a fait le parallèle à la base, hein. Ah oui. Moi, j'en ai pas parlé. C'est vrai. Lisez-le. Sérieusement, oui. Donc, ouais, donc histoire Rocher à mort. Hein. Après, pour ceux qui aiment ce genre de, d'histoire fantastique qui mêle les univers contemporains, etc., bah, ça peut être un bon one-shot. Après, c'est pas trop mon style d'histoire. Donc, ouais, c'était pas un... J'ai trouvé ça sympa, mais graphiquement, c'est pas mon type. Donc, j'ai été arrêtée une première fois par ça, et une deuxième fois par le rythme bah, qui est pas... qui est bâclé, quoi, comme, comme tout le monde l'a dit. Donc, pour moi, c'est un mais. Enfin, Mais. Voilà. Si jamais il y a des amateurs de one shot qui pensent que ça peut être une bonne acquisition, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, je pense qu'on peut commencer largement par d'autres choses plutôt que par One Last Moment. Ah oui, ça c'est il y a des trucs vachement. Le truc c'est que ça, enfin, ça commençait à explorer des thèmes assez intéressants au niveau dilemme moraux. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas le temps de les développer oui, c'est plus ça. Que ne le ferait un Destination Finale. Et c'est même Destination Finale, ça développe plus son truc en un film. Ouais, j'irai pas jusque là quand même. Non, j'irai pas jusque là non plus. Destination Finale. Non, c'est. Ouais, il y a plein. Tu sens qu'il y a des fusils de Tchekhov, des trucs comme ça qui ont été mis, et puis d'un seul coup, c'est un merde. Ça n'a pas été exploité. Bah, ouais. Tant pis. Voilà. Pas une mauvaise lecture, mais loin d'être inoubliable. Voilà, ouais. Voilà. Voilà, exactement. Allez. Ouais. Bah, ça fait partie de ça. On a plein de choses à faire alors. On y va, Emma. D'accord. Mais enfin, je ah bah non, tu vois, il relance toujours ça. Non, c'est ça. Issa me relance toujours. Ça n'a pas de rapport enfin, direct avec le manga, mais je me demande dans ces cas-là, est-ce que c'est prévu dès le départ pour durer quelques chapitres ou est-ce que c'est que la publication est arrêtée en cours de route? Là, c'est quand même assez radicalement accéléré sur la fin. Donc, Parce que finalement, il y a assez peu de chapitres, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment dit. Très très tôt, stop, je trouve ça assez cruel. Bah, si jamais c'est par exemple soumis à un truc comme le weekly Shonen Jump, bah, vu que t'as que quelques pages dans une semaine qui vont se retrouver là, bah, si ça se trouve, les votes sont tellement pourris que ils disent bah ça va pas durer. Donc démerde-toi pour clore le truc le plus vite possible parce que là. Mais il me semblait qu'il y avait au moins 3 ou 5 chapitres qui étaient. 3 chapitres sûrs. Et que c'est après que, en fonction du vote des lecteurs, etc., ils commencent à mettre en place des warnings, etc., pour dire bon, bah, la production elle va pas. Ouais, mais. Mais je sais pas comment est-ce qu'il a été développé en fait, et je pense que c'est pas forcément une bonne idée de s'avancer là-dessus. Après, c'est juste être, qu'il a mal géré son truc, tout simplement. Puis des fois, c'est juste l'éditeur qui dit bon, coucou, j'ai lu ton truc. Ça va pas passionner, hein. Donc ouais. Tu finis ça vite fait et puis on passe à un autre projet. Mais ouais. Je trouve ça cruel de pas un peu plus laisser sa chance au truc. Est-ce que cette fois-ci on en a vraiment terminé avec In One Last Moment? Ouais. Tu es sûr, Issa? Oui. D'accord. Certain? Certain. Eh bien, passons maintenant. Ah, à... si, j'ai un petit truc à ajouter. Tu nous emmerdes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok, je me disais bien. Grand Blue Fantasy, édité par Pika. Dessiné par Kosho et au scénario Makoto Fugetsu. Est-ce que tu veux nous en faire un petit tour d'horizon, Sally? Alors, je me rappelle plus du nom des persos, mais c'est... Alors, le héros, en fait, accompagné d'une petite créature sympathique, se décide à être un navigateur, un guerrier? Ah oui, je connais, c'est One Piece, ça. Un peu des deux. Il n'y a pas de petite créature mignonne dans One Piece. Ça se passe dans un monde fantasy où il y a beaucoup de bateaux, je crois. Oui. Putain, je me rappelle plus du truc. Bah, en fait, c'est les bateaux, c'est des espèces d'îles flottantes par-ci par-là. Pour ceux qui connaissent FF9, c'est les aéronefs dans FF9. Ouais. C'est ça, quoi. C'est ça. Et le héros essaye de s'entraîner pour pouvoir protéger son village, c'est un peu la base, jusqu'à ce qu'il y ait une jeune fille qui tombe du ciel et qui apparemment est une sorte de... déesse ou de... Non, d'être princesse. Sur... de princesse. C'est une princesse. Naturelle. Mais elle a des pouvoirs quand même. Oui. Donc, elle et du coup... Elle a des culs quand même. Ouais. Et elle est pourchassée par le gouvernement en place parce que justement elle a énormément de pouvoirs. Et du coup elle essaye de s'enfuir parce que c'est une sorte de tyrannie. Et du coup il la protège et il décide de l'embarquer pour... Donc Je suis très très bonne pour les résumés, je veux bien. Ah bah, est-ce que je peux faire un contre-résumé? Oui. Une autre façon d'expliquer? Ah ouais, non mais là, quand on sait pas, ça va devenir n'importe quoi. En fait, c'est une équipe de RPG des années 90, de JRPG des années 90, qui se constitue, et c'est cool à regarder. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment que... ça. Il y a la fille, la jeune fille qui a des pouvoirs magiques, qu'on sait pas trop d'où elle vient exactement, et qui est une princesse. Tu as le pilote d'ailleurs, t'as le jeune qui fait la quête du héros, t'as tout ça, voilà, t'as la guerrière en armure, enfin tout est là. C'est clair, il y a vraiment ce feeling jeu vidéo qui est très très agréable, jusqu'à même la petite créature mignonne qui est là pour les accompagner, mascotte, etc. Et on sent que l'univers est ultra développé, qu'il y a plein de choses à voir et qu'on passe à côté de beaucoup de choses en fait. Donc l'univers est vraiment bluffant, le dessin est ultra ultra cool. Moi j'ai beaucoup détaillé. Beaucoup aimé le dessin. Mais c'est adapté d'un jeu vidéo. Oui, c'est adapté d'un jeu vidéo. Ouais, c'était pour ça. Mais c'est pas dit en fait. C'est-à-dire que si jamais tu fais pas des recherches, c'est pas forcément expliqué que c'est adapté d'un jeu vidéo. Ouais. Disons que c'est marqué, œuvre originale Cygames, donc on peut s'en douter, mais c'est vrai que c'est... Mais voilà, tu sens que ça se passe dans un monde de RPG, mais à côté de ça, l'histoire, tu peux la dire sans que ça te gêne et sans connaître la différence qui passe, quoi, parce que toutes les personnages sont assez bien introduits. C'est vrai. Donc voilà, graphiquement, c'est cool. C'est dans un univers vraiment intéressant, qui est complet. Mmh. Et toi, t'en as pensé quoi? Pareil, c'est une petite lecture sympathique. Il y a une petite ambiance shonen qui se dégage de tout ça. Mais c'est surtout visuellement où c'est vraiment très accrocheur, quoi. Donc clairement à voir la suite, il me semble que je pense qu'ils en sont à 7 ou 8 tomes. Mais ouais, pourquoi pas avoir la suite de Grand Blue Fantasy. C'est vrai que ça a l'air mignon visuellement. Oui, ça l'est, c'est en fait un truc qui est... On sent bien les expressions des personnages, les cadrages sont assez intelligents. Mmh. Que ce soit les pleines pages ou même les rapports de cadre, etc. Donc c'est cool. Et puis il y a un truc qui est fou, c'est le gigantisme qu'on a par rapport au vaisseau. Il y a un vaisseau qui échoue au milieu d'une plaine. Et quand ils en sont proches, t'as vraiment une sorte de contre-plongée qui te montre le truc est monstrueux, quoi. Mm-hmm. Tu te dis, ouais, ok, ça se répare pas tout seul, quoi. T'as des doubles pages qui ont de la gueule, quoi, aussi. Ouais. Visuellement. Non, puis malgré le fait qu'ils utilisent beaucoup de trames et tout ça, ça rend pas le manga sombre, parce qu'il y a des auteurs qui se font vite attraper à mettre beaucoup d'effets de ciel, de trames, d'armure, d'écailles, de tout ce qu'on peut trouver dans du fantasy. Et là, ça assombrit pas les pages. Bon, à part, par exemple, parce que c'est de nuit, mais c'est normal. Mais après, ça assombrit pas la lecture, ça reste clair et c'est vraiment cool, quoi. Puis les pages sont vraiment remplies, quoi. Oui. Il n'y a pas trop de blanc, il y a certains mangas comme ça où c'est beaucoup de blanc en fond et tout. Donc voilà. Donc ouais, une lecture qu'on est trois à avoir autour de la table et qu'on recommande plutôt. Oui, si jamais vous aimez le jeu vidéo et plus précisément les JRPG. Ouais, l'ambiance JRPG. Est complètement là. Et pour moi, c'était. Pour moi, limite, dans ma tête, c'était dans l'univers de FF9. Ah. C'est vraiment quelque chose qui se passait indépendamment parce qu'il y a les mêmes quais avec les mêmes sortes de villes, avec des quêtes pour aéronefs et tout ça. Ça pourrait se trouver dans l'univers de FF9. Passons au prochain titre de notre sélection. Barrage, écrit et dessiné par Koe Ori. Le bug. Écrit et dessiné par Koe Horikoshi. Un auteur que vous connaissez peut-être. Koe, parce que c'est trop gênant. Dessiné par Koe, là, ouais, c'était sûr. Ouais. Blanc. Écrit et dessiné par Koe Horikoshi. Auteur que vous connaissez sans doute, puisque c'est l'auteur de My Hero Academia, qui cartonne plutôt pas mal en France, il paraît. Ah bon ? Il paraît que c'est un petit shonen publié par Kiun. J'en ai pas trop entendu parler. C'est trop bien, ça y est, elle est folle. Mais par contre, j'ai trouvé ça dommage que dans les rayons, ils le mettent pas. J'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas, tu sais, le petit bandeau fait par le dessinateur scénariste de My Hero Academia. Bah, je pense que ça aurait pu... Ouais, c'est indiqué derrière en tout petit. Ouais, mais c'est indiqué derrière en tout petit. Des fois, pour de la communication, ils n'hésitent pas à mettre des gros bandeaux faits par l'auteur de... Et ça permet de mieux se vendre. Et je comprends pas, en plus, avec l'essor qu'a My Hero Academia, je comprends pas qu'ils aient pas fait ça pour Barrage. Après, ils l'ont fait dans les pubs télé et les pubs sur les sites, quoi. Mais oui, sur le bouquin en lui-même, oui, il n'y a pas de bandeau. C'est un peu dommage. Voilà. Là, l'auteur, cette fois-ci, part dans de la pure science-fiction. T'as perdu la tradition de dire qui a lu le truc autour de la table. Bah, tout le monde, à part Nécro. Voilà. Non, mais c'est pour garder les bonnes habitudes, là. Non, c'est vrai. Désolé, Issam. Je vais reprendre cette bonne habitude. Il me semble qu'autour de la table, on a tous été plus ou moins en mode ouais. Mais en fait, on sent que c'est ce qu'il y a eu avant My Hero Academia, donc il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver, genre graphiquement par exemple, c'est à peu près le même style. Ouais, graphiquement c'est plutôt du coup, c'est bah, dynamique, c'est on ressent bien les émotions des personnages un peu à la My Hero Academia qui est ultra empathique pour ça. Mais par contre, le rythme y est pas du tout. Enfin, on sent que c'est une première œuvre et que ça patine et des fois ça bafouille. Et c'est pas une première œuvre. Non, ah ouais, c'est pas une première œuvre. C'est juste que, en fait, je pense que le rythme aurait pu marcher parce que la moitié du premier tome marche bien. Le truc, c'est qu'après, il a dû se rendre compte que ça allait, enfin, qu'il allait pas avoir le temps de développer. Donc il y a un gros rush encore une fois. Ouais. D'accord. Parce qu'il colle des ambitions de ouf au personnage dès le début, quoi. C'est ça. C'est genre, tu dois sauver la planète entière, quoi. Ouais. Ça se fait pas en un jour, mon gars. De nulle part. Et oui, j'ai trouvé qu'il y avait trop de textes, en fait. Enfin, j'ai lu des mangas où il y avait énormément de textes, que ce soit par exemple Death Note, Monster, enfin, voilà, ou même Bakuman. Mm. Mais là, en fait, je me suis vite sentie perdue, voire ennuyée, en fait. J'avais du mal à rester accrochée au texte parce que. Il y en avait beaucoup et que c'était pas forcément intéressant. Mais je sais que de toute façon, avant de faire My Hero Academia, il a eu des expériences où il a eu des soucis sur le rythme, il le dit lui-même, l'auteur. D'accord. Et quand il est arrivé sur le projet My Hero Academia, il n'était pas serein du tout. Il s'est dit, il faut que je tienne sur la durée. Un truc comme ça, il n'était pas. Et c'est là que il a eu encore plus de pression quand les auteurs, par exemple l'auteur de Naruto ou les gens comme ça, sont venus lui dire hey, c'est très bien ce que t'as fait. Ouais, merci les gars, j'ai pas plus comprends. La. Donc c'est super qu'il réussisse à se tenir sur My Hero Academia, parce que c'était pas gagné au début. Oui, par rapport au visuel, notamment les personnages féminins, j'ai trouvé qu'elles ressemblaient toutes à Ochako, c'était abusé. Oui. c'est toutes des clones. Le mec, il s'est fait, voilà, il s'est entraîné, voilà, ce personnage-là, c'est bon, je le mets. Ouais. il fantasme sur ce type de perso, il le met partout. Après, c'est un problème récurrent à beaucoup de mangaka. Hein. Ouais, les personnages qui se ressemblent... Là, c'est vraiment très frappant, je trouve. Enfin, c'est pas un gros défaut. Hein, mais... Non, mais je veux dire, par exemple, tu lis Fullmetal Alchemist et tu lis Arslan derrière, oui. Les personnages, c'est les mêmes gueules, quoi. Mm. C'est les mêmes, hein. Il y a que dans Silver Spoon où elle a fait vraiment des personnages très différents visuellement. Sauf pour certains. Ou tu lis Eden Zero et puis juste avant, tu lis. tu regardes tous les designs que Toriyama a fait. Hein. Tu retrouves beaucoup Trunks et Gohan partout. Hein. Oui, c'est pas faux. C'est en vrai, mais Toriyama il justifiait ça en disant qu'ils étaient tous de la même famille. C'est le fils de Trunks, c'est le fils de Gohan. Alors, la meilleure justification, c'est l'auteur, j'ai oublié son nom, l'auteur de Monster. Parce qu'on lui fait souvent ce reproche-là. Et il a dit mais Urasawa, oui. Oui, Urasawa. Et on lui fait souvent ce reproche-là. Et il a dit bah oui, mais quand Tim Burton prend Johnny Depp dans tous ses films, vous faites pas ce reproche-là. Et pourtant, c'est toujours la même gueule que vous voyez à l'écran. Bah voilà. Il considère ses personnages comme des acteurs. Voilà. Ça, oui. Bah, ça colle parfaitement. Ça colle. Il considère ses personnages comme des acteurs qui réutilisent à volonté. Ah, fais voir. Alors, explique-moi ce que tu montres. Oui. Un personnage féminin, et c'est vraiment un clone d'Ochako. Oui, non, mais jusqu'aux petites taches sur les joues. Mais c'est dommage, oui, parce que l'ambiance qu'il en tire sur les premiers chapitres est vraiment cool, quoi. Mm-hmm. L'intrigue sur le personnage, même les personnages sont vraiment bien posés. On a comme l'a dit Sally, on a beaucoup d'empathie pour eux au début. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait cette accélération de rythme au bout d'un moment, parce que on sent que bah on lui a dit écoute Coco, ça marche pas. Va falloir que tu te dépêches à conclure ton histoire, quoi. Comme souvent dans les shonen, moi je me suis beaucoup plus attaché aux persos secondaires qu'aux protagonistes. Mm-hmm. Je vois qu'il avait déjà l'habitude de faire des petits dessins pour les fans. Oui, il y a des. Enfin, après, est-ce que c'est peut-être un truc de la réédition aussi ? Il y a des trucs aux interchapitres. Ouais. Donc, oui, non, c'est pas sa première série, c'est la série précédente. Parce que même chez nous, en France, on a Chris Izzo, qui était de lui aussi. Ah ouais ? Qui a été édité par Delcourt en 5 tomes. Et qui est bien. Et qui est une petite série sympa, ouais, Chris Izzo. C'est bon, hein. C'est le meilleur. Oui, parce que Donc, Barrage, c'est clairement pas une mauvaise lecture, mais c'est pas un truc qu'on peut recommander à 100%, quoi. Non, bah après, une fois de plus, ça reste toujours intéressant quand on aime avoir plusieurs œuvres du même auteur pour voir l'évolution, pour comprendre d'où viennent certaines choses. En fait, c'est un. On va dire que ça reste une curiosité, mais pour l'œuvre en elle-même, après, c'est 2 tomes, donc c'est pas non plus une série longue. Oui, c'est pas la ruine. Ouais, voilà, c'est ça. Pour 2 tomes, ça peut toujours être intéressant si on est un gros fan de My Hero Academia d'acheter Barrage, parce que c'est vraiment cool. Mais pour juste. S'intéresser à l'œuvre, il faut savoir quand même qu'il y a un bémol dans le rythme, il y a un bémol dans justement les gros textes, etc. Voilà. Après, ça peut intéresser ceux qui veulent plus tard se lancer en tant que mangaka de voir l'évolution d'un artiste. Oui, bien sûr, mais après, je pense que c'est trop ténu l'évolution entre les deux pour être vraiment intéressante. Quitte à être mangaka, autant se baser sur des œuvres comme Bakuman qui t'expliquent vraiment ce qu'il faut faire, tu vois. Et dessiner, c'est plus ça le truc que. Bon. Bah, on peut passer à la suite. À la suite. Oh, j'ai l'impression de mettre des gros blancs là. Bah oui. La suite, ça va être Issam et moi qui allons en parler. Avec Maestro, on va parler un petit peu comics. Maestro avec au scénario Steve Cross, à la couleur Dave Stewart et également Steve Cross au dessin. Issam, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, donc Maestro, ça se passe dans un univers de fantasy. Totalement barré. Dans lequel la Terre existe, mais une création du maître du monde, donc le Maestro, justement. Qui est une sorte de dieu, hein, c'est un mec tout puissant qui règne sur tout le monde et qui fait à peu près ce qu'il veut. C'est un magicien suprême, quoi. C'est ça. Sauf que le livre commence sur la mort du Maestros actuel et de toute sa famille, de tous ses proches, de toutes ses femmes, parce qu'il y en a 50, et de tous ses enfants. Le seul enfant qui reste survivant, c'en est un qui avait été banni parce qu'il avait osé le défier, qui était originaire de la Terre et qui avait été renvoyé sur Terre, et qui donc est rappelé pour régler un peu tout ce merdier. Et pour devenir le nouveau Maestro. Pour devenir le nouveau Maestro. Sachant que lui, il va le côté dominateur, ego trip, c'est pas franchement son truc, donc il va essayer de mettre en place un maestro plus de gauche, on va dire. C'est ça. Mais il va devoir affronter les ennemis qui veulent détruire le monde et qui lui en veulent à lui parce qu'ils en veulent à son père en réalité, voilà. Qui du coup en veulent au monde entier vu que le monde entier est une création de sa famille. En sachant qu'il y a vraiment que la Terre qui n'est pas au courant de tout ce bordel. Hein. Oui, voilà. Tous les autres univers créés par le Maestro savent que c'est le Maestro qui les a créés, mais nous, les Terriens, on n'en sait rien. Ouais, parce qu'il les a créés plus ou moins pour se marrer en les observant, justement. C'est ça. Bah, comme dans la réalité, en vrai. Oui, c'est vrai que ça reprend. C'est une sorte de version déviante de la Bible, d'une certaine façon. Ou de la théorie de la Terre plate. C'est excellent. Alors, l'univers est complètement barré. C'est complètement fou. C'est rempli d'idées débiles, de dialogues assez bien trouvés, et de personnages très hauts en couleur. Et visuellement, c'est magnifique, ça fourmille de détails, c'est très coloré. Les créatures sont vraiment super imaginatives, je trouve, c'est très divers. Bah, l'espèce de servant chancelier où c'est un homme tournesol. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Les scènes de bataille, là je montre une image de scène de bataille, elles sont vraiment, vraiment fourmillantes de détails. Et puis le récit a l'épée qui parle aussi, rigolote. L'épée qui devient associée à la mère du protagoniste pour faire chier l'ancien maestro parce qu'elle l'aime pas. Voilà. Et donc voilà, gros, ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et moi aussi, c'est clairement une des grosses lectures du mois. Visuellement, ouais, c'est chouette, comme tu dis, les personnages sont super attachants. C'est puis au-delà du côté totalement délirant, finalement, il y a quand même une certaine intensité qui se met en place. Au niveau de l'intrigue, des enjeux. Enfin, c'est pas tout le temps de la vanne facile. Non, oui, effectivement, il y a un vrai développement d'univers et d'intrigue. On voit la bite du diable, mais. On voit pas la bite du mais diable. Mais il y a un. Ouais. Elle est dans son slip. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas celle du diable qu'on voit. On en voit une, mais c'est pas celle du diable. On en voit pas qu'une d'ailleurs, mais bon. Oui. Alors, du coup, est-ce que c'est un argument vendeur De voir la bite du diable C'est toi qui nous dis, hein. Ouais, ok. Mon dieu. Ah oui, je pensais que c'était plus suggéré que ça. Bon, non, non. Déjà, c'est pas tout public. Non, clairement pas. C'est beau, il y a beaucoup de sang, ça parle quand même beaucoup de cul. Donc c'est pas tout public, mais... Ça parle de Bukkake Royal, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, ouais, le Bukkake Royal avec la fille du diable. Avec la fille du diable, c'est extraordinaire. Mais ouais, justement, autour des démons, ça passe un message sur tout ce qui est discrimination... Les fautes des pères, est-ce qu'elles doivent retomber sur les générations futures? Je trouve ça assez intéressant comme sujet. Non, parce que nous, les démons, on est souvent discriminés et tout. Bah, c'est un peu ça le message, mais c'est bien amené. C'est légèrement gore aussi. Puis en plus, c'est un one-shot, ça on l'a pas dit. Ouais. C'est une intrigue qui se suffit elle-même, même si une suite. Ça peut largement ouvrir sur des suites, hein, je pense. Clairement. Mais ça se suffit largement à elle-même, et c'est pour ça qu'on va pas non plus trop en dire, vu que ça tient en un seul bouquin. Ouais. Chez e-comics, c'est ça? Chez e-comics, et comme d'habitude, bah, le boulot d'édition est plutôt chouette. Mm-hmm. Avec des petits croquis en bonus à la fin. Ouais, des fois ils en mettent plus des croquis comme ça. Après, ça dépend de la disponibilité. Oui, c'est aussi ça. Tout simplement. Voilà. Je te réserve une place pour le Bukkake Royal, je pense qu'on peut terminer sur cette phrase. La plus belle citation de toutes. Ce dialogue sera gravé sur nos tombes. Il y a un super beau travail sur les couleurs aussi, j'ai trouvé que... Bravo aux coloristes aussi. Bah, Dave Stewart, du coup. Mm-hmm. C'est vrai que la couverture, elle donne envie avec toutes ces couleurs. C'est ouais, et à l'intérieur, ouais. C'est comme ça aussi. Ça me fait un peu penser à ce qu'il y avait en colorisation dans les travaux de Mobius. Mm-hmm. Des trucs très détaillés, très... À la fin, c'est pas Mobius qui faisait ses propres colorisations, mais... Avant qu'il arrête, il y avait un peu ce style. Alors, beaucoup plus détaillé, par contre, Mobius, au niveau des visages, notamment. Au niveau des... Mais ce côté un peu psyché. Après, ça dépendait quoi, hein, Mobius. Il variait pas mal niveau style. Il y avait des trucs qui étaient moins détaillés, justement. Oui, oui, oui. Il avait quand même, une patte qu'on reconnaissait, notamment sur les traits de visage. Oui, oui. Maestros, bon, c'est très bien. Achetez-le. Voilà. Voilà, ça m'a à tout résumé. Grosse recommandation. Dit Sam et moi. On va passer à quelque chose qu'on va moins recommander. Oh. Quoi? Ben rien, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu toi aussi, tu es écœuré. Et du coup, moi, ça va être deux camps, c'est ça, hein? Je vais pas non plus être un défenseur acharné. Hein. Non, je vais pas être défenseur acharné non plus, mais je veux dire... C'est... Alors on va déjà dire le titre avant de commencer à taper dessus quand même, on est poli, hein, ici, on est urbain. On va vous parler de Iron Hammer Against the Witch. Ah bah vu la prononciation, on aurait aussi bien pu s'en passer de dire le titre. Et bah tiens, démerde-toi. Dit-il en lançant le manga vers Issam. Iron Hammer Against the Witch. Et bah vas-y, bah continue. Ah. Ah. Ah. Voilà, donc, moi je mange des bonbons et je me pose. C'est un manga écrit par Shinya Murata et dessiné par Daisuke Iyama. T'appelles ça des dessins, toi? Ah oui, non, mais attends. Il n'y a pas de tour de chauffe. Non, ouais, non, laisse-le faire son truc. Après, je n'ai pas dans Kaamelott, là. C'est édité par qui? C'est Dessine-le-toi, hein, si tu préfères. Ça sera beau, tiens. C'est édité par Delcourt Tonkam. Toujours dans les bons coups. c'est une série en 3 tomes, effectivement, et ça se passe... Alors, je sais pas bien pourquoi, ça a changé un peu les noms, mais en gros, ça se passe pendant l'Europe, dans l'Europe de l'Inquisition. Oui, carrément. Ouais. Oui, je vois pas pourquoi ça a pris la peine d'essayer de changer les noms, mais soit. Pour une question de copyright. Ça criait pas des sorcières qui se baladaient à poil, à cette époque-là, chez nous? Bon, je sais pas. J'ai pas vécu, je sais pas. On peut imaginer. Et ça... Donc... Faut que je cherche comment résumer ça. Ça parle de sorcières qui chassent d'autres sorcières. Ça suit l'église donc, qui chasse les sorcières et qui brûle les sorcières. Ça commence bien déjà. Voilà, après les avoir torturées. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un groupe spécial dans l'Inquisition qui est constitué de sorcières qui en fait sont chargées d'exterminer d'autres sorcières, les femmes qui sont véritablement des sorcières contre lesquelles l'Église en réalité ne peut rien faire. C'est-à-dire la moitié des femmes que l'Église réussit à cramer, en réalité, c'est des femmes normales. C'est tu veux dire comme dans la vraie vie, véritable. Comme dans la vraie vie, c'est ça. comme dans la vraie Europe qu'on a connue. Et pour le coup, je trouve le principe assez intéressant de dire que c'est suite aux tortures infligées par l'Église que les femmes décident de devenir des sorcières pour se venger. Alors moi, je vais juste aborder rapidement le seul bon point que j'ai trouvé au bordel. C'est le fait que les pouvoirs des sorcières proviennent de la manière dont elles ont été torturées. C'est plutôt malin, je trouve. Je trouve le principe vraiment intéressant. En fait, l'Église, en prétendant lutter contre les sorcières, en fait, les crée. Oui. En fait, j'essaie de me faufiler deux fois. Il y a un bouquin dedans qui a été écrit par je ne sais plus qui, mais en fait, qui est suivi scrupuleusement par l'Église, parce qu'en gros, c'est une façon d'éradiquer les sorcières. La Bible. Non, c'est y a un livre qui explique comment éradiquer les sorcières, sauf qu'en fait... Bah, c'est le Iron Hammer Against the Witch. Voilà, et en fait, ce truc-là, c'est... Non, mais je sais plus par qui il a été écrit. Ah, voilà, c'est ça que je disais. Je vais te retrouver le copyright, hein, si tu veux. Mais en gros, on se rend compte que le mec n'a pas fait un livre pour détruire les sorcières, mais juste pour les générer. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est totalement innocent de base va se retrouver transformé en sorcière si jamais elle est exécutée. San Pedro, c'est Begum Delvan. Olé. Ok. Le Balto contre les sorcières. Pancho, Pancho. La naissance d'un troisième personnage. C'est ça. Alors, donc, oui, donc voilà, du coup, il y a quelqu'un qui a manipulé l'église de façon à générer un maximum de sorcières en un temps zéro, quoi. C'est... Aïe, aïe, aïe, je chasse les sorcières à coups de chorizo. Doucement, Seigneur Zoro, doucement. Ouais, ça va être chaud, là. T'imagines après les sorcières alors... qui se battent à coups de chorizo comme ça. Alors, petit détail, moi, qui m'avait... Oh, merde. Oh non, la sorcière du salami, hein. Petit détail qui m'avait intéressé, c'est que dedans, on retrouve des machines de torture de l'époque. Alors bon, sauf l'Iron Maiden, qui normalement n'est jamais... historiquement n'aurait peut-être jamais servi. La Dame de Fer. La Dame de Fer n'aurait peut-être jamais servi. C'est méchant envers leur musique quand même. Mais sinon, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'en fait, les sorcières peuvent invoquer les instruments de torture qui les ont tués. Oui, mais pour, ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Voilà. Mais coup, ça va donner. Pour moi, il y a un petit côté Bayonetta quoi, au niveau des combats. Quoi. Non, pas jusque-là. En fait, voilà, le principe était vachement intéressant. Le truc. Qui est géant, c'est déjà que c'est un peu racoleur quand même. Ah, complètement. Cette histoire. dans les scènes de torture, bon, voilà. En même temps, les sorcières sont à moitié à poil, ça suffit pas comme racolage. Ouais, mais bon, c'est particulièrement frappant dans les scènes de torture. Il y a un côté culture du viol quand même assez prononcé. Oui, beaucoup même. Puis ouais, ça exploite. Je sais pas, les personnages auraient tous pu être intéressants. En fait, c'est ça qui me fait me dire que c'est pas nul. C'est les personnages, je trouve qu'ils auraient tous pu être intéressants. Les seuls groupes de sorcières qui se constituent, elles sont presque attachantes, je trouve. Mmh. C'est juste que c'est mal exploité, que c'est mal branlé dans l'ensemble. Bah, c'est pas hyper bien dessiné. Après, je trouve que niveau personnage, c'est pas moche. C'est plus les décors, moi, qui me pose problème. Il y a un truc, moi, qui m'a plus posé problème sur les trois personnages, justement, c'est que j'arrive pas à les différencier au niveau caractère, vraiment. J'arrive pas trop à... Pour moi, tu échanges les visages, c'est la même, quoi. Donc ça, c'est dommage, vraiment. Tu vois, j'ai vraiment du mal avec les persos, avec les décors, avec l'histoire, enfin... Ouais. Tout le côté avec la... Alors, le fait que ce soit une papesse au lieu d'un pape, bon, ça, à la limite, j'ai trouvé ça original. Mais le fait que la nana, qui est censée être la plus haute... comment ça s'appelle ? Institution de l'église, qu'elle se barre en fufu comme ça pour se cacher dans un tonneau de pommes. Enfin, moi, ça m'a carrément sorti de l'histoire, quoi, tu vois. J'ai trouvé que c'était... Alors, je demande pas à ce que les mangas ils soient réalistes, mais j'ai trouvé que ça n'avait pas de logique, en fait. Et... Ça m'a fatigué. Ouais, non, mais voilà, il y a plein de trucs qui sont mal branlés, c'est ça le souci. Ça avait un vrai potentiel, je pense. Ah oui, d'accord, d'accord. Un très gros potentiel, mais. Mais dès qu'on lit la première page, le potentiel s'envole. Je te trouve trop cruel. Oh non, pas tant. Je vais pas le défendre, parce que c'est pas bien non plus, mais c'est pas. Parce que, enfin, je veux dire, il a quand même une jolie couverture qui est. La première de couverture est bien, voyons. Non, mais c'est vrai que la cover, elle est agréable. Elle est en espèce de papier, pas juste en plastique glissant comme d'habitude. Non, la première page va bien. Mais qu'est-ce qu'on doit dire pour protéger des trucs, quoi ? Alors, faut bien qu'on trouve des trucs. Hein, faut qu'ils continuent à nous les envoyer. C'est bon, on va dire du bien de Tezuka dans quelques secondes. Ah oui. Sinon, j'ai une idée. On défonce comme on veut le truc, et puis derrière, on lui met une bonne note. Ça marche ? Ils font comme ça pour les jeux vidéo. C'est chaud. C'était une bulle prise au hasard. Non, mais non, franchement. J'ai raconté au hasard. J'essaye de trouver quelque chose, hein, mais... Même le chat s'en fout. Non, c'est... Vraiment, ça a pas été... En fait, quitte à vouloir voir de la torture ou des trucs un peu gore, malsains... Alors déjà, si tu veux voir ça spécifiquement... Berserk ! Non, mais voilà. C'est... quitte à vouloir voir plus des sorcières ou ce genre de trucs, parce qu'il y a tout un arc... De jeunes filles à poil torturées aussi, et violées. Et aussi. Et parce qu'il y a tout un arc de Berserk sur les sorcières qui est... Enfin, j'ai un ou deux films sur mon ordi, hein, si vous voulez. Sur l'Inquisition, quoi. Donc... plutôt que d'acheter Iron Hammer Against the Witch, go Berserk, quoi. Bon, alors par contre, on en est bientôt à 40 tomes Berserk, donc je vous préviens, c'est un investissement. Hein. Et le 40e sort en avril ? Dans l'Insa, il y a que 3 tomes. Oui, mais bon, entre 3 mauvais tomes et 40 tomes où tu vas t'éclater chaque tome parce que ça développe à chaque... Mais non, mais lui donne pas le manga, tu es fou ! Il y a Chris. Non, non, mais on ira le mettre dans une boîte à livres. Explication donc, de ce qui se passe. Il y a Chris qui joue avec le manga dont on vient de parler, avec le chat. Faut qu'elle se fasse les ongles. Le chat en a peur d'ailleurs. Passé sous le canapé. Non mais voilà, donc c'était pas... Bon, le manga a gagné. Franchement, je le recommande pas, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Alors que Sally ouvre le paquet de gâteaux. Ah, mais je peux faire deux choses à la fois. Hein. Sally ouvre tous les paquets, bonbons, gâteaux, zézette. Ah. Et... Oui. Cela ne nous regarde pas, mais... Non, les zézettes... De 7, de chez moi. Tu sais que c'est lui qui fait le montage, donc il peut reconstituer... Il peut refaire le contexte de tout ce qu'on dit. Hein. C'est vrai. C'est... Fais gaffe ce que tu dis. À ce que tu nous fais dire, surtout. Parce que tu dis à ce que tu nous fais dire. Bon, on a fini avec ce truc. Ouais. D'accord. Donc on va retourner dans l'univers comics. Toujours édité par e-comics. On va vous parler avec Nécro, parce qu'on n'est que deux à l'avoir lu. De Forgotten Realms. Ça te va comme... c'est bon. La légende de Driz. Tiré de l'univers Donjons et Dragons. Allez dans la description hein, pour la version écrite. Alors... Juste les, espèce de sombre, je ne dirai rien. Cher LTP. Donc les légendes oubliées, ça fait partie du background de base de Donjons et Dragons, de niveau et là c'est lié à tout ce qui est royaume d'outre-terre. Donc que tous ceux qui vivent de base sous la surface. Je crois, vu que tu connais plus en Donjons et Dragons que moi, tu t'occupes de tout l'aspect résumé, je pense. Ça va être simple, hein, c'est l'histoire donc d'un elfe noir qui est droit. Qui a vraiment appris la droiture, qui est pure en quelque sorte, et qui se retrouve à affronter toutes les corruptions de l'outre-terre, et à devoir lutter finalement pour il devient petit à petit un marginal au niveau même de sa propre caste, alors que à la base c'est pas forcément tous des pourris les elfes noirs. C'est juste que ceux qui sont les moins pourris se font exécuter plus facilement par les autres. Mmh. Étrangement, c'est un peu ce qui a créé sa survie. Parce que normalement, il devait être sacrifié à une divinité. Mais il y a eu une attaque orque pendant sa naissance. Et du coup, il a survécu. Il a été élevé normalement. Mmh. C'est plutôt cool à la lecture. Et c'est plutôt cool même quand on ne connaît pas plus que ça l'univers Donjons et Dragons, comme c'est mon cas. Alors, on est un petit peu perdu au tout début parce que ça balance quand même pas mal d'informations sur l'univers Donjons et Dragons. Et ouais, quand tu connais pas, tu peux être perdu, mais au final, tu te rattrapes plutôt bien aux branches. Comme les deux qui l'ont lu ne font pas leur boulot, le scénario est d'Andrew Dabb d'après les romans de Hera Salvatore et c'est dessiné par Tim Seeley. Voilà. Bouh, vous faites pas leur boulot. Et les couleurs sont de blonde. De qui ? Blonde. D'accord. Ok. Mais ils auraient pu la définir autrement. C'est ce que j'allais dire, merci. Non, mais il faut bien qu'il y en ait qui fassent leur boulot dans l'équipe. Désolé, vous pouvez continuer. Hein. Ah, je vais tellement te. Je vais tellement me venger. Par contre, on sent que dans l'histoire, il y avait un cahier des charges pour mettre tout l'outre-terre. Hein, parce qu'il y a les flagelleurs manteaux, il y a les orques, il y a les araignées divines, les trucs. Il y a tout. Tout ce qu'on peut retrouver en outre-terre dedans. Ouais, après ce qui joue aussi dans. Enfin, je l'ai pas lu, mais s'il y a un sentiment de rapidité, c'est aussi que ça a beau être un beau pavé, c'est adapté de 3 romans de 400 pages. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des gros tomes. Alors, c'est un pavé, mais il y en a d'autres. C'est pas une intégrale. Ouais, mais c'est. Si, là pour le coup, ça précise que ça adapte Terre Natale, Terre d'Exil et Terre Promise, et c'est les 3 premiers romans, et ils font 400 pages chacun. Donc, petite anecdote à la con, ce personnage-là, je l'ai connu dans Baldur's Gate Dark Alliance 2. Sur PS2, c'est un personnage qu'on pouvait débloquer quand on faisait un code de touche avec ce personnage là il disait ah ah. On va recommencer. non mais enchaîne, c'est bon. Oh putain, la catastrophe. Il y a Sally et Chris qui sont en train de faire n'importe quoi. Comment ça on fait n'importe quoi? On nettoie ton appartement dégueulasse. Bah, j'essaie de faire un moment de silence pour réussir à raccorder un nom à quelque chose, mais... Enchaîne, c'est bon pour les raccords. Donc Baldur's Gate, ouais, vas-y. PS2, ouais. Et quand on faisait un code de triche en utilisant ce personnage-là, il riait, il disait « Ah, vous voulez la jouer elfe noir ?» Et ça me faisait marrer, moi, ce personnage-là. Mais... et c'était le plus cheaté. Sachant qu'il est surpété de pouvoir magique, le personnage de base. Tu vas nous emmerder jusqu'au bout en fait. Ah mais c'est une catastrophe. Jupiter Rhapsody, ça collait bien avec ton pouce. Ah, t'as mis volontairement la musique ? Non, ça m'est mis tout seul dans ma poche. Rhapsody, le morceau de Queen, on est d'accord. Non. Rhapsody, du groupe Rhapsody. Oui, j'avais compris, c'était une blague. Donc, pas drôle. Il est surpété de pouvoir, sinon le gamin. Meilleur que les tiens. Même gamin, il est surpété de pouvoir. Ah bah les elfes noirs, je crois que c'est plutôt balèze, hein, de base. Non, parce que celui-là, déjà, il apprend la lévitation, alors qu'il, je dirais qu'il vient à peine d'apprendre à marcher, il apprend déjà la lévitation, quoi. C'est un niveau... C'est bien dans Donjons et Dragons, le podcast. Visuellement, c'est joli. C'est très soigné. Mmh. Très soigné, là, très c'est... chapitré, de façon à vraiment bien découper l'histoire, de façon à ce qu'on puisse se retrouver. Bah, le chapitrage, je pense que c'est juste parce que ça a été publié... Ouais, mais t'as vraiment, t'sais, un arrêt... C'est-à-dire, ça n'a pas été chapitré sans raison. Hein ? Non, mais je pense que c'est aussi que c'est la publication d'origine. Oui, c'est oui, ça. Oui, c'est... Oui. Enfin, justement, ils savent que c'est publié comme ça, donc ils font des efforts sur le chapitrage, hein, dans, voilà, dans les comics. Quand même. Mais du coup, c'est propre. Ouais. Mais sinon, rien d'autre à dire, de mon côté. Visuellement, c'est joli, mais c'est pas non plus extraordinaire. Enfin, bon, voilà, ouais, c'est pas hyper original, mais c'est vraiment joli. Voilà, je trouve, c'est ça. C'est pas, c'est... Alors, c'est pas original. Je sais pas s'il y a eu l'assistance ordinateur pour faire la colorisation, mais disons qu'il y a eu des deux. Ça sent qu'il y a eu du travail à la main. La colo, ça se voit quand même que c'est du numérique. Ou au moins une partie numérique. Partie, parce que là, il y a quand même beaucoup de travail à la main aussi. Enfin, voilà. C'est bien qu'ils éditent un peu les comics Donjons et Dragons. Enfin, il y a tout un univers, toute une littérature assez intéressante autour de ça. Bah d'ailleurs, e-comics, c'est pas dérivé de Bragelonne. Si. Ouais, parce que c'est Bragelonne qui a édité les romans, justement, liés à Drizzt. C'est la branche comics de Bragelonne. Je sais pas s'ils ont édité ceux liés à Hommage Magère, qui est un autre grand truc de Donjons et Dragons. Mais c'est bien qu'ils se lancent là-dedans, parce que c'est... Le peu que j'ai lu des romans Donjons et Dragons, c'est vraiment pas mal. Ouais. À voir s'ils vont continuer à publier d'autres comics Donjons et Dragons. Oui. Surtout. Bon, bah, il y a moyen que ça marche pas trop mal, hein. Les lecteurs de Donjons et Dragons, dans l'ensemble, c'est des... Enfin, les joueurs de Donjons et Dragons, c'est des gros lecteurs, des amateurs de fantasy en général. Ah, surtout que le bouquin vaut son prix. Vu le petit pavé que c'est, pour 20 balles, ça va. Ouais, 27, mais ça reste, 27. Ça reste raisonnable pour un truc qui doit faire ses 300 pages. Comme je disais, ceux qui lisent du Donjons et Dragons, c'est souvent les MJ, qui sont férus de background, et souvent c'est les romans qu'ils lisent, pas forcément les BD, donc à voir... Peut-être que ça trouvera son public, mais je suis pas... Pour le coup, je suis moyennement d'accord. Hein. Je pense que le public de Donjons et Dragons, ça peut être des gros amateurs de comics. Ça peut être, mais voilà, on est dans le potentiel, on sait pas. Il n'y a pas que les MJ qui lisent les romans, hein. Sinon ça ne fait pas grand monde. J'ai dit c'est plus les MJ qui lisent les romans. C'est-à-dire qu'on va avoir côtoyé quand même beaucoup les MJ et les joueurs, souvent c'est plus ceux qui ont me jeté. On a fini ? Moi, de mon côté, oui. Mm-hmm. Issam, tu vas garder la parole, puisque tu nous parlé du tome 3, il me semble. Oui. Du tome 3 de Monstress, édité chez Delcourt. Alors, Monstress, c'est un comics écrit par Marjorie Liu. Alors que le chat s'énerve. C'est ça. Écrit par Marjorie Liu et dessiné par Sana Takeda. Donc ça se passe dans un univers de fantasy qui est un mélange entre donc de la fantasy classique, entre guillemets, à la Tolkien... des éléments de culture japonaise, donc il y a des créatures chats notamment, il y a tout un peuple chat. Même de mythologie asiatique en règle générale. Et pas mal de trucs aussi repris à l'univers Lovecraftien, avec l'existence de démons tentaculaires qui vivent dans des dimensions parallèles. C'est carrément du Lovecraft. Oui, carrément. Désolé, elle a parlé de monstres tentaculaires juste après avoir parlé de culture japonaise. Oui, c'est pas les mêmes. Chat. Ouais. Et d'enfant renard, désolé pour les images. À neuf queues. Et ça suit Maika Demilou, qui est une survivante d'une grosse guerre, qui a été esclave pendant des années, et qui, suite à différentes péripéties, se retrouve avec en fait un bras dans lequel est enfermé un de ses démons ancestraux. Et donc elle doit être en lutte perpétuelle pour contrôler le démon qui est en elle. Et elle devient le centre de plusieurs conflits. Elle est recherchée par plusieurs puissances, certaines pour l'éliminer, d'autres pour essayer de s'en faire une alliée. L'univers est assez riche, donc l'intrigue est assez compliquée à se mettre en place. Tu avais lu le tome 1. J'avais lu les deux premiers tomes même. Ouais, donc faut s'accrocher au moins pendant la première moitié du tome 1, parce qu'il y a énormément d'infos qui nous sont balancées. Faut pas hésiter à relire les tomes, parce que le rythme de publication est plutôt lent aussi. Ouais. Parce qu'on a quoi, facilement un tome par an, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Bon, après, les tomes regroupant 6 chapitres dans l'ensemble, ouais, ça fait... Tu te bouffes 12 mois entre chaque tome, c'est quand même... Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ça a mieux si tu les lis en pré-publication, à mon avis. Oui, bah clairement. Ouais. Après, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages. C'est-à-dire, malgré le foisonnement de personnages et d'intrigues, je trouve que ça arrive à créer un petit groupe de protagonistes assez attachants. Ouais. Donc, que ce soit Maïka ou justement le chat et l'enfant renard qui l'accompagnent. Et visuellement, c'est vraiment magnifique. Le travail de Sanae Takeda est sublime, je trouve. Ouais, le dessin est très très beau. Mmh. Les couleurs aussi sont très sympas. Les couleurs aussi, ouais, pareil, je pense que c'est un mélange de numérique oui. et de couleurs faites à la main, parce qu'il y a des moments où ça fait vraiment peinture aussi. Mm. Moi, c'est clairement un des comics en cours que je préfère, je trouve ça magnifique visuellement. Les designs de créatures lovecraftiennes sont super soignés aussi. Et donc, le tome 3 vient de sortir, et c'est une grosse recommandation. À mon avis, ça va continuer encore un peu. Je vois pas ça se finir en un tome, tel là où en est l'intrigue actuellement. Mm. Et voilà, c'est à lire, c'est très bien. Eh bien merci Sam pour cette petite critique flash, pour nous faire le point de Monstress. Tu vas garder la parole encore une fois, mais cette fois-ci on va également parler Sally et moi, puisqu'on va aborder My Home Hero, édité par Kurokawa, avec au scénario Naoki Yamakawa et au dessin Masashi Asaki. On est sur du polar. Ah Eh bien, d'accord. Apparemment, c'est à Issam de faire le résumé. Je suis très mauvaise pour faire le résumé, si jamais je ne les prépare pas en avance, donc je peux pas faire qu'Issam les fasse. Alors, My Home Hero, c'est l'histoire de Tetsuo, un père de famille qui a une vie plutôt ordinaire, il est en foyer, voilà. Oui, c'est le salaryman de base. C'est le salaryman de base. Mais un jour, alors qu'il va voir sa fille qui a quitté le domicile familial depuis quelques mois, il se rend compte qu'elle a des marques de coups sur le visage, et que son petit ami, en fait, lui cogne dessus. Il va vouloir essayer de régler la situation, mais ça va dégénérer, et il va tuer le petit ami en question, qui est lié aux triades. Au Yakuza, oui, plutôt. Oui. Les triades, c'est en Chine. Peut-être le PIB. Ouais, bon, c'est pareil. C'est des mafieux. Qui tue ce mec, enfin, ce petit ami violent. Et il va devoir se débarrasser du cadavre, tandis que les Yakuza commencent à rechercher leur pote. Parce qu'il a disparu et il a tendance à créer du grabuge, en fait, donc ils ont tendance à s'inquiéter pour lui. C'est relativement ordinaire en tant que polar. Mmh. Pareil, graphiquement, il n'y a rien de foufou à se mettre sous la main. Après, j'ai passé un bon moment en lisant, c'est plutôt agréable. C'est, si vous aimez les trucs un peu thriller... sans être la lecture du mois, on passe un bon moment. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça autour de la table. Je sais pas s'il y a d'autres mangas thriller en ce moment, ou pas. La mise à part Noise de Tsui Tsui, oui, ouais, où on a eu ça. Qu'un seul tome pour l'instant. Si, il y a un truc chez Kiun, comment ça s'appelle? Je sais plus. D'accord, c'est pas grave. Root End. Voilà. Oui, d'accord. C'est ce que j'allais dire, le truc où un moment on voit des mecs, des policiers baiser sur une scène de crime. Ah, c'est le seul truc que j'en ai retenu, je suis désolé. Les personnages sont plutôt attachants, pareil. Le père, enfin la famille, le père, la fille et la mère sont assez attachants. Ouais, je les ai trouvés attachants aussi. Par contre, il y a des fois, par rapport aux situations, j'ai trouvé que les personnages étaient un peu à côté de leur pompe. En mode, ça fait très littéraire en fait, plus que personnages ancrés dans la situation. Ça offre un petit décalage entre comment est-ce que je pense les gens réagiraient normalement et comment les personnages réagissent. On dirait plus le guide d'un parfait petit criminel qui t'explique comment bien cacher un sort. Plus que c'est ça. Plus que vraiment une œuvre où les personnages se disent. Et je crois, Issam, que t'as oublié aussi de dire que le personnage principal écrit des romans. Ouais, policier. En fait, c'est ce que j'allais dire, justement, ce que tu soulignes, c'est peut-être, c'est justifié, entre guillemets, par le fait que c'est un fan de littérature policière. Bon. Après, c'est parce que tu écris des romans que quand tu tues quelqu'un, t'as du sang-froid et t'es en mode, je vais te faire disparaître ça rapidement. Non, certes. Tu vois surtout avec sa femme qui est ultra, oui, t'inquiète, on va t'aider. Voilà, on va s'en sortir. Non, mais t'inquiète pas, je vais découper le corps, elle va partir dans plusieurs valises, t'inquiète pas. C'est ça. Ce qu'il fait au KLM. Pense à acheter de la soude. C'est super. Attends, on va utiliser le cadavre comme engrais pour faire pousser des plantes. Voilà. Sans que la fille se rende compte de quoi que ce soit. Oui, c'est clair. Elle est gentille, mais elle est un peu con. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que la couverture avec le personnage principal en train de pleurer sous la pluie fait vraiment... c'est dramatique, quoi. Mmh. Alors que ce qui se passe dans le manga, je trouve, à aucun moment a ce côté dramatique. C'est-à-dire que même si sa fille, elle se fait frapper, il tue le méchant. Mmh. Donc voilà. Et après, ils sont au KLM pour tout ce qui se passe après, pour les manipulations du cadavre, pour la recherche de la police, pour un peu tout. Donc... je trouve que ça contraste vraiment entre la couverture qui donne cette impression que ça va être quelque chose de très dramatique et le contenu réel du manga, qui est d'ailleurs les arrière-plans sont souvent assez vides. Oui, par contre, niveau dessin, vraiment ça casse rien du tout. Ouais, c'est basique, quoi. Voilà. Clairement, si vous aimez les polars, on va plutôt conseiller du Manhole, tout ce qui est écrit Tetsuya Tsuetsui, quoi. Oui. On va plutôt conseiller ça, clairement. Ou du Monster. Qui fait aussi plutôt si bien vous le aimez les polars et que vous êtes de droite, hein, oui, c'est vrai aussi. Du coup, Monster, si vous êtes un peu plus de gauche. Il est tellement bien, Monster, fou. Alors, il y a déjà pas mal de tomes, donc j'imagine que ça a dû partir sur autre chose maintenant. Parce que je crois que c'est déjà 6-7 tomes au Japon. Ah non, ils sont toujours en train de faire pousser des plantes. Ouais, c'est ça, ils sont en train de surveiller la croissance des plantes. En fait, ils en ont buté un autre, et donc du coup, ils ont ouvert un jardin botanique. Voilà, c'est super. En fait, ça devient une entreprise, c'est la fille qui va trouver des petits amis pour qui tue. Elle s'arrange pour sortir qu'avec des connards violents. C'est ça. Comme ça, le père les bute à chaque fois. Putain, on tient une super idée. Donc, pas une lecture désagréable, mais clairement, dans le domaine, il y a beaucoup mieux, quoi. Oui. Passons au prochain titre de la sélection. Une lecture, il me semble, beaucoup appréciée par Sally. Oui. Le dilemme de Toki, édité par Glénat. Écrit et dessiné par Kiri Gunchi. Alors, pour résumer, parce que ça, je m'en souviens quand même vachement mieux, c'est le personnage principal qui tombe nez à nez avec... C'est le cas de le dire, il tombe. Oui, c'est ça. Il est en retard, il prend son vélo et il tombe contre quelque chose d'invisible. Et en fait, il se rend compte que c'est un vaisseau extraterrestre où vit Toki. Donc, un personnage assez androgyne. Qui a atteint l'âge chez les extraterrestres de choisir son sexe. Parce que dans cet univers-là, Toki est un personnage qui peut choisir son sexe. Il peut choisir si c'est un garçon ou une fille, et il va demander au personnage principal de l'aider dans sa quête. J'étais en train d'imaginer une boutique de sexe. Je prends celui-là. Non, voyons, c'est trop grand, pas celui-là. Donc voilà, donc c'est quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec toute l'ouverture d'esprit sur... ça reste quelque chose d'assez manichéen, c'est-à-dire, si jamais je suis une fille, je suis ta copine, et si jamais je suis un garçon, je suis ton pote, donc ça met de côté l'amitié homme-femme manière assez radicale. L'homosexualité. Ou même l'homosexualité, c'est vrai. Après, c'est pas dit que... ce soit pas une ouverture du... Je le pense pas, mais c'est pas dit que ça finisse pas comme ça, justement, ou... Bref. Ouais, c'est peu probable, mais c'est vrai que, étant donné que le manga, justement, c'est aussi pas mal l'initiation de Toki aux relations humaines et à la vie terrienne, pourquoi pas, ça pourrait peut-être venir. En réalité, déjà sur la fin du tome, je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui traitent des clichés hommes-femmes avec le prof de science, notamment. Ouais, exact. Oui. Donc on peut toujours espérer, on va dire. Ouais. J'y crois pas, mais on peut espérer. Oui. Sinon, j'ai trouvé qu'au niveau du dessin, c'était assez soigné. Les personnages sont jolis, on les distingue bien les uns des autres, parce que des fois, c'est pas toujours ça. Le fait que Toki soit... j'ai trouvé super joli le personnage extraterrestre, ou même tout son vaisseau organique était assez cool aussi. Graphiquement, c'est chouette. Ouais, graphiquement, c'est vraiment... J'ai eu un petit coup de cœur graphiquement sur Toki, même s'il est pas plus original que ça, mais j'ai bien aimé que, pour une fois, ce soit un shonen, bon je l'aurais pas classé dans le shonen, mais que ce soit un shonen qui parle d'amitié homme-femme et de se chercher aussi un petit peu. Pas aussi bien qu'Akata, mais oui. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Après voilà, même si ça reste binaire, ce qui est un peu dommage. Oui. Il y a surtout à notre époque où justement on évite de publier des trucs binaires, quoi. Mais c'est pas, j'ai pas trouvé que c'était insultant. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on peut pas non plus reprocher ça à fond, quoi. Ça reste quand même, je pense, une lecture intéressante. Ceux qui aiment ce genre d'œuvre, je le conseille parce que c'est joli et que j'ai trouvé l'histoire, même si elle est binaire, je l'ai trouvé assez cool. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de binaire. Tu as le droit. Faut tout pour faire un monde. Non, mais... sale gosse. Je vais te foutre une zézette dans le nez. Oh. J'ai eu très peur. On peut aller très loin quand même. J'ai eu très peur de la fin de la phrase. Attention. C'est très gentil, mais tu peux te la garder, ta zézette. C'est ce que tu peux en faire, ta tête. Tu peux te la... la charrer dans l'oreille. On va peut-être passer au... au truc suivant. Bon. Ah, voyons voir. Alors... le DLC. Celle que je suis. Celle que je suis. Édité par Avatar. Ça, c'était bien, celle que je suis. Tiens, je te le passe, Sam. Tu l'as pas fait, c'est toujours moi. Si. Parce qu'elle veut mais pas parce le faire. Que tu fais des très bons. Elle veut pas le faire et moi, je suis en train de manger. Ah, mange sa zézette. Et Nécro, il l'a pas lu. Voilà. Donc, celle que je suis, scénarisée par Bingo Moriyashi. C'est sympa, hein, Bingo. Et dessinée par Suwaru Koko. On a dit pas les noms, putain. Qui a le look. Oh. Wow! Oh la vache! Ah la vache! Ah celle-là, elle, elle fait mal. Arrête de rire, toi! Je pensais pas qu'elle marcherait aussi bien! Elle en fait plus! Ouais, t'as l'air pleurer! La folle arrive! La folle arrive! Elle est en train de pleurer, putain! Bigou! Donc, désolé! C'est publié par Akata. Ça se passe dans les années 80 et ça suit Yuji Manase. Alors, une étudiante. Voilà, c'est dans le résumé au dos, mais un étudiant, mais c'est une étudiante, mais dans un corps assigné homme, qui découvre justement petit à petit, enfin qui apprivoise petit à petit ses envies, déjà son attirance pour son meilleur ami. Et d'autre part, son malaise vit au niveau de son corps. Il se sent pas à l'aise dans ce corps, d'homme. Elle se sent pas à l'aise, pardon, dans ce corps d'homme. Et elle commence à se travestir, à mettre des vêtements de femme, qu'elle pique à sa sœur, ouais, en secret. Et elle va rencontrer un autre étudiant de la même, qui est dans le même groupe qu'elle. Lui, je crois qu'il est homosexuel, il est pas, il est pas du tout. Il est ouvertement, oui. Ouais, mais je veux dire, il est. Il se sent pas. Enfin, il est pas femme, c'est. Non, non, il est oui c'est, il a... c'est un. Il est homosexuel 6. Ouais, voilà. Je suis désolé. Voilà. Il est homosexuel 6, mais ça va lui permettre quand même de s'ouvrir sur toutes ces autres sexualités qui sortent de la simple hétérosexualité. Et de découvrir qu'elle n'est pas toute seule et que c'est pas une bizarrerie. Alors globalement, c'est très bien, ça s'inscrit dans la veine de tout ce qu'Akata a pu faire dans le même domaine, que ce soit Le mari de mon frère, que je n'ai pas lu, mais aussi Éclat d'âme, surtout. Ouais, surtout. Comparé à Éclat d'âme, moi j'ai moins réussi à rentrer dedans, mais ça reste très attachant. Il y a moins de personnages auxquels tu peux t'attacher, forcément. Dans Éclat d'âme, il y a vraiment, ça foisonne de personnages tous plus attachants les uns que les autres. Ouais, après là, que ce soit l'héroïne ou sa pote, qui est justement elle aussi amoureuse du garçon, du meilleur ami, c'est des personnages attachants, mais c'est plus l'univers, je sais pas, je suis resté plus en dehors que dans le cas d'Éclat d'âme. C'est un univers plus terre-à-terre, non ? Dans cette peut-être aussi. Alors que ouais, dans Éclat d'âme, t'as toute cette petite magie, rien qui entoure l'hôtesse ? Voilà. Bah, et puis visuellement, Éclat d'âme est beaucoup plus beau. Là, ça reste joli, hein. C'est très loin d'être moche. Mais Éclat d'âme est quand même... a mis la barre très haut, on va dire. C'est ça. Non, parce que je l'ai trouvée globalement jolie, quand même, celle que je suis, que ce soit dans les découpages, même dans le traitement de ses émotions, que normalement, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre visuellement. C'est là, elle le dit, elle s'enflamme, et tout ça, j'ai trouvé que c'était traité vraiment... de manière visuellement impactante, en fait. Globalement, les scènes les plus marquantes, c'est les scènes dont j'ai souvenir qu'elles sont à peu près muettes. Donc la première fois où elle met une des robes de sa sœur. Oui. Ouais. Et pas avec l'héroïne, mais justement avec sa pote qui est amoureuse aussi du garçon. La scène où elle découvre qu'il est avec quelqu'un d'autre et qui est quasiment muette. Et c'est deux scènes que j'ai trouvées assez fortes émotionnellement. C'est peut-être au niveau des dialogues, du coup, qu'il y a un truc qui m'a déplu, qui a fait que je suis rentré dedans. Parce que quand ça parle pas, j'ai trouvé ça très efficace, globalement. C'est une série en deux tomes. Donc au moins, ça, ça risque d'être un petit peu bâclé sur la fin, c'est le, la petite peur que je pourrais avoir. Mmh. Non, je juste que je pense que je vois pas pourquoi est-ce que ce serait bâclé à la fin, parce que y a pas, il a, l'héroïne n'a pas pour, pour but quelque chose de forcément incroyable, c'est juste qu'elle elle est amoureuse, elle sait que c'est à sens unique. Et je pense qu'il va y avoir... déjà, c'est pas dit que le tome 2, comme pour le tome 4 d'Éclat d'âme, ne soit pas déjà plus important que le tome 1. Et après, c'est juste que l'histoire va se finir de quelque manière que ce soit, où il va lui dire non parce que c'est pas ce que son meilleur ami veut, ou il va lui dire oui et ils vont se découvrir aussi. Mais je vois pas pourquoi est-ce que ce serait bâclé. Enfin, je... Ou alors peut-être qu'il va jamais, jamais le savoir, parce que le plus important finalement c'est son c'est parcours à elle, c'est le fait qu'elle se découvre. Oui, pardon. Finalement l'histoire d'amour passe presque au second plan, parce qu'on peut se dire c'est un premier amour, au pire si celui-là se conclut pas, elle en aura d'autres. Oui, non, c'est clairement secondaire, le plus important c'est l'identité de soi, est-ce qu'on est réellement. Mmh. C'est ça le message le plus important de l'histoire. Mais bon, encore une fois, Akata... c'est très réussi. Et puis ouais, je pense pas que ce soit bâclé, parce que Akata a tendance à faire attention vraiment à ce qu'il publie sur toute la longueur. Mm-mm. C'est, il publie souvent des séries terminées et ils ont énormément de séries courtes qui sont quand même excellentes dans leur fin. C'est, j'ai vraiment pas souvenir d'une fin bâclée chez Akata. Oui, en fait. Mais c'est pas parce que ça n'est jamais arrivé que ça ne peut pas arriver. Oui, mais bon, du coup je pars plutôt confiant, on va dire. Oui, voilà. On en a donc fini avec Celle que je suis. On va laisser Issam nous parler du Secret de l'amitié, à One Shot Shoujo, édité par Akata, le traditionnel One Shot Shoujo. Ils en font un par saison. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est scénarisé par Kazune Kawahara et dessiné par Aiji Yamakawa. Et ça nous raconte l'histoire de Eiko et Moe, qui sont deux lycéennes très amies et très proches. Et c'est un peu l'opposition qu'on a régulièrement, c'est-à-dire Moe, c'est la star du lycée, qui est magnifique, qui tous les garçons vont faire des déclarations, tous les garçons veulent sortir avec elle. Et Eiko, c'est la fille plutôt banale, plutôt très introvertie, qui n'ose pas dire ce qu'elle pense. Et justement, Moe est tellement proche de son amie qu'à chaque fois qu'un garçon vient lui déclarer sa flamme, elle répond « Bah, moi je veux bien sortir avec toi, mais pour moi ma meilleure amie est super importante, donc si tu sors avec moi, en gros tu acceptes aussi qu'elle soit importante dans ta vie. » Et donc, bah, à cause de ça, à peu près tout le monde l'envoie chier, surtout qu'elle a tendance à pas le dire franchement de manière diplomate, elle a un certain franc-parler, on va dire. Elle a son code de l'amitié, hein, Kyle. C'est la private joke. La private joke que personne ne comprendra. Mais qui nous fait à part peut-être une personne. Mais bon. Bref, continue. Donc voilà, c'est leur brocode. C'est leur brocode à elle. Oh, voilà. Et un jour, tout de même, il y a un garçon qui décide d'accepter, d'accepter ça chez Moe. Ça se passe pas forcément très bien, et il y a le meilleur ami de ce garçon qui va mal le prendre et qui va penser que les deux filles en fait étaient de mèche pour le faire souffrir, pour faire souffrir son pote. Et donc il va tout faire pour se venger finalement, et se rapprocher petit à petit d'elle. C'est assez intéressant, donc ça reste un shoujo romance finalement. La romance reste assez essentielle, mais il y a un traitement du thème de l'amitié qui est plutôt pas mal et que j'ai trouvé plutôt chouette, qui est assez, on pourrait presque dire cucu par moment, mais j'ai trouvé ça plutôt mignon, on va dire, franchement. Ouais. C'est une belle histoire d'amitié entre deux filles, et c'est intéressant que même malgré la romance, il y ait cette amitié entre elles qui reste super importante, et même l'amitié entre les deux personnages masculins principaux qui reste pareil, ça reste super important pour eux, cette amitié, c'est pas, ils pensent pas qu'à leur relation de couple. Visuellement, c'est très sympa, je trouve. Les pages sont assez chargées dans l'ensemble. Ah, visuellement, j'ai fouetté, ouais. C'est plutôt chouette. Ouais. C'est plutôt joli. Les personnages sont bien expressifs, surtout. Parce qu'au niveau des corps, il n'y a pas forcément grand-chose, mais voilà, les visages sont bien expressifs. Et ouais, on passe un bon moment. C'est un one-shot de 200 pages. Les 50 dernières pages, c'est une autre petite histoire par les deux mêmes autrices, et qui est très chouette aussi. Donc, ouais, grosse réussite niveau one-shot shoujo d'Akata. Si vous avez aimé les autres du style La Valeur de ma vie ou Voyage au bout de l'été, qui était très bien aussi. Voilà, vous devriez apprécier celui-là. D'accord. Ils mettent la fillette au drapeau blanc dans les one-shot shoujo d'Akata. C'était pas très shoujo la fillette au drapeau blanc. C'était même plutôt dramatique. C'était plutôt dramatique, je me pends à la fin. C'est ça. C'est l'histoire d'une fillette pendant la guerre. Ah, le chat approuve. Ouais. Le chat mioule. Mais ouais, très bon moment pour. Moi. Mais ta gueule. Après voilà, comme d'habitude, je suis assez sensible au shoujo, même ces clichés ont tendance à pas trop me déranger. Voilà. D'accord. Donc un shoujo que tu recommandes. Ouais. Une bonne lecture. Puis c'est pas un gros investissement, donc. Je te crois. Enfin, tu payes un tome, t'as qu'un tome. Merci. Effectivement que c'est un one shot, ce n'est pas un gros investissement, merci Sam. Je vais changer l'ordre. Tu vas continuer à nous parler de shoujo avec Mon Ex, édité par Kana. Parce que t'es le seul à l'avoir lu. Je pense que ça va pas durer très très longtemps. Alors, Mon Ex, c'est un manga de Mizuki Oshino, édité par Kana, qui nous raconte l'histoire de Momori, une lycéenne qui a connu une expérience très désagréable en amour au collège avec Eisaku. En gros, un garçon qui l'a draguée, et au bout d'une semaine, elle s'est rendue compte qu'il avait fait un pari, et il l'a largué en lui disant... de toute façon, aucun garçon voudrait de toi. Effectivement, c'est pas cool. Et donc depuis, elle est persuadée qu'elle est maudite, et que tous les garçons sur qui elle tombe, enfin, il y aura forcément un truc qui fera que ça tourne mal. Et évidemment, elle retombe sur Eisaku, qui se révèle plus ambigu que ce dont elle s'était souvenue. Et donc elle va commencer de nouveau à se rapprocher de lui, au grand dam de sa meilleure amie qui, elle, part dans l'optique, c'est un connard, laisse-le tomber. Alors il n'y a que deux tomes, mais je n'ai eu la possibilité de lire que le premier, donc mon avis sera pas sur toute la série. C'est sympa, visuellement c'est plutôt propre, c'est relativement banal pour du shoujo, mais c'est plutôt propre. Après, selon comment ça s'oriente, en fait, étant donné le caractère du personnage d'Aisaku, justement, ça pourrait finir par faire passer un message un peu ambigu. Parce que c'est pas très clair ce qu'on veut nous dire sur ce personnage à l'issue du tome 1. Quel genre de message, par exemple ? Bah, c'est rien, il est montré comme très désagréable et comme disant des trucs vraiment odieux. Mais dans le tome 1, on nous montre un peu que c'est comme... Enfin, j'ai l'impression qu'on essaie un peu de l'excuser en disant c'est parce qu'il est malhabile, c'est parce qu'il n'arrive pas à contrôler ses sentiments. Genre la toxicité, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai peur que ça puisse s'orienter par là. Après, c'est un peu difficile. Enfin, j'ai lu que la moitié du truc, donc c'est un peu difficile d'affirmer quoi que ce soit. C'est possible que ça aille pas dans ce sens, finalement. Mais il y a cette possibilité qui existe. D'accord. Après, à l'issue du tome 1, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est loin d'être le meilleur shoujo que j'ai lu. Mais voilà, c'est plutôt agréable, c'est mignon. C'est gentil. Et l'héroïne est attachante. Sa meilleure amie est super cool. Qui justement, quand elle apprend qu'elle est de nouveau avec ce type, qu'elle voit de nouveau ce type, emprunte la batte de baseball de son frère pour savoir arranger cette histoire. Pour lui casser les genoux. Donc, ouais, c'est un peu ça. Putain, mais c'est quoi ces private jokes? C'est rien, c'est rien. Tu conseilles quand même plus le secret de l'amitié, du coup. Quitte à lire un shoujo voilà. Ce mois-ci, carrément, ouais. C'est, le secret de l'amitié, c'est vraiment très bien. Et bien, parfait. La suite. Mais tu vas encore garder la parole, mais je vais parler un petit peu avec toi. Parce que toi, c'est une découverte série, et moi, c'est juste pour dire que le tome 4 est tout aussi bien que le reste de la série. On va vous parler de Gaiven, écrit et dessiné par Natsuki Kizu. Tu veux nous faire un petit résumé, vu que tu viens d'enchaîner la lecture des trois premiers tomes ? Bon, écoute, oui. Donc, Gaiven, ça suit Uenoyama, qui est un lycéen... Qu'est-ce que vous foutez ? qui est un lycéen passionné de musique. Il est guitariste dans un groupe. Et un jour, il rencontre un étudiant qu'il connaissait pas de son lycée, Mafuyu, qui est avec sa guitare et qui galère en fait pour changer les cordes. Et donc, ils vont se rapprocher comme ça. Et il va découvrir petit à petit que Mafuyu est passionné de musique, qu'il a une très belle voix. Il va lui proposer de rentrer dans son groupe et lui, ça va lui amener il va commencer à éprouver des sentiments pour lui déjà, et ça va surtout lui permettre de retrouver vraiment la flamme de la musique parce qu'il commençait à entrer dans une routine. Et on découvre petit à petit que Mafuyu cache des secrets, a eu un passé apparemment assez compliqué, que ce soit en rapport à sa vie amoureuse ou à la musique aussi. Et donc voilà, ça suit principalement ces deux-là, mais aussi les deux autres membres du groupe. Le bassiste et le batteur. Le bassiste et le batteur. Et ça aussi, comme ça, entre la romance et le récit d'amitié et de vraiment bah, la vie d'un groupe. Et c'est traité. La formation du groupe de musique, l'amitié ouais. et la romance. Mmh. Et les trois aspects sont traités de très bonne manière. Ouais, c'est très bien équilibré déjà. Il n'y en a pas un qui prend vraiment le pas sur l'autre dans les trois tomes que j'ai lus. Les personnages sont vraiment super, les quatre protagonistes, donc les quatre membres du groupe, déjà individuellement ils marchent super bien, et puis on sent réellement l'harmonie entre eux, je trouve. Moi je trouve que ça réussit à bien saisir, moi ce qui m'a le plus touché c'est probablement l'aspect groupe, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, les groupes de musique, et je trouve que ça réussit à bien saisir l'entente qu'il faut. Et aussi les tensions qui peuvent naître, les inquiétudes, le côté presque toujours sur la sellette du groupe, malgré la bonne entente entre les membres. Donc très chouette, très beau visuellement, donc merci de m'avoir fait découvrir. Mais de rien. Ça prend vraiment son temps, et pas de manière péjorative, pour installer le groupe et les personnages. Parce que le groupe, il se forme vraiment à partir du tome 3. Le reste du temps, c'est vraiment les personnages qui apprennent à se connaître entre eux. Enfin, surtout le petit nouveau qui arrive, parce que les trois autres se connaissent un petit peu déjà. Alors que le groupe existait déjà depuis un moment, mais c'est vraiment ils prennent leur envol dans le tome 3. C'est dans le tome 3 qu'ils décident de leur nom définitif. Toutes les parties musicales, et surtout le petit concert qu'ils font, sont vraiment bien mises en scène. Ouais. Parce que très souvent, dans un manga, tout ce qui va être mis en page de la musique, ça peut être foireux. Alors que là, c'est plutôt bien mis en scène, et tu sens l'enthousiasme des personnages, et qui écoutent, et eux qui jouent dans leur coin. J'aime bien aussi en personnage très secondaire le violoniste, c'est le batteur ou le bassiste qui vient en coloc avec lui ? C'est le bassiste qui vient. C'est le bassiste. Pareil, je trouve le personnage cool. Non, c'est le batteur. C'est le batteur. Ouais, c'est le personnage de génie musical, pour le coup, vraiment celui qui a énormément. Qui a l'oreille parfaite, qui a un talent immense en musique. Et donc, ça, pareil, ça aborde le thème de. Pas de la jalousie, mais enfin presque d'une sorte d'admiration qui flirte avec la jalousie. De la part du batteur qui lui galère comme la plupart des musiciens galèrent en réalité. Donc ouais, c'est vraiment très chouette, c'est un univers qui me touche beaucoup moi, donc la musique en règle générale. C'est si le biopic sur Queen avait été réussi, je pense que c'est le genre d'ambiance qu'il aurait dû avoir. Très sincèrement. Mais tiens, du coup tu peux garder le tome 4. Ouais, que je reprends les autres chez moi. Et c'est édité par Teifu, on l'avait pas dit. Ouais. Et c'est pas les auteurs. Ça a été dit, Natsuki Kizu. Reprends-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est pas si souvent, au moins en France, qu'on a des yaoi qui durent sur plus de 2 tomes. Ouais, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, effectivement. Ouais. Une vraie série, parce que là, le tome 5, je pense, devrait sortir d'ici la fin d'année. Après, le rythme est assez lent, c'est pareil, on a un tome par an. Ouais. Elle travaille peut-être sur d'autres séries. Peut-être. Mais au moins ça se tient du début à la fin. Quoi. Y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de temps mort. C'est vraiment une très très chouette série. Et c'est clairement un yaoi que tout le monde peut lire. Il n'y a pas de, scène qui pourrait effrayer certains ou certaines. Quoi. Akata, apparemment, va publier un yaoi dans sa collection principale. Et je trouve ça chouette parce que justement, Taifu. Hélas, c'est un peu fait une sale réputation entre guillemets d'éditeur de trucs de cul, souvent cul homo. Alors qu'en vrai, ils éditent plein de choses qui sont excellents et qui ont aucune scène qui pourrait déplaire à un public trop jeune. Donc c'est bien si ça peut la démarche d'Akata peut démocratiser le yaoi, c'est vraiment chouette. Clairement. Mais donc oui, une série qu'on ne peut que recommander. Et on va rester dans la catégorie yaoi, puisqu'on va parler de Understate. Je suis hypée, était trop bien. Et bah du coup, tu vas t'en occuper. Alors, c'est toujours édité par Taifu, celui-là, il me semble. Je crois que tous les yaoi qu'on fait aujourd'hui, c'est Taifu. C'est Taifu, ouais, tous. Et celui-là, on est trois à l'avoir lu. Sally, Issam et moi-même. Donc l'auteur, c'est CTK. Genre, je sais pas s'ils sont plusieurs ou si elle est toute seule. Il n'y a pas d'indication. Ok. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui fait pas mal de bêtises, dans le sens il vole, il magouille, etc. jusqu'au jour où il va se faire attraper dans le métro par un policier. Et bon papier, s'il vous plaît. Et une romance va s'installer doucement entre les deux. Et voilà. Donc c'est un one-shot, donc je ne voudrais pas en dire trop. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment ce qui se passe entre les deux personnages qui est essentiel, en fait. Donc... Mais graphiquement, j'ai trouvé ça vraiment très joli. On apprend doucement un petit peu le passé des deux personnages, la romance qui s'installe entre les deux. Et voilà, tout le côté dans la librairie, tout le côté apprendre à se connaître, etc. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Oui, parce que tu l'as pas dit, mais du coup, il est embauché par celui qui l'a arrêté dans sa librairie. Oui. Oui, parce qu'il est plus policier, c'est un ex-policier en réalité. C'est ça, mais qui a gardé des contacts avec d'anciens collègues. Oui. Tiens, je te repasse la parole. Ah mais j'ai un autre à dire, mis à part que c'est super chouette, les personnages sont bien définis, c'est une lecture très très douce, et pareil qu'il n'y a pas de scène qui en montre trop. Oh non, ça va. Bah c'est rien. Bah, okay. C'est deux personnes qui sont certes tout nues, mais qui sont en train de discuter. Il me semblait qu'il y avait plus que ça. Sur non, la toute fin, oui. Ouais, c'est peut-être dans le chapitre bonus, mais... Mais c'est rien, ça. Oui, mais c'est dans la toute fin, quand même. Bah, mais c'est rien, ça, oh là là. Bon, ça s'allie un petit peu, mais... C'est pas tout public, mais... Ouais, peut-être un peu moins que Given, mais ouais. Ça reste, ça va. Oui, non, c'est soft, hein, bien sûr. Mais... Le petit récit additionnel à côté est mignon aussi. Ouais, ouais, j'ai trouvé. En tout cas, j'ai rarement été autant touchée par un yaoi que par celui-ci. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment... Je me suis laissée emporter par la trame et je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool. J'arrive pas à me dégager de cette impression vraiment de... c'était vraiment chouette. Donc. Ouais, non, mais c'était chouette. Hein. C'était vraiment chouette. Tu vas la ramener chez toi, ça dit. Sois contente. Oh, ben non, on verra après. Merci. D'accord, vous allez vous battre. Oui, la boue. On va se battre. D'accord. Bon bah Issam, prépare la boue. Ouais, faudra une caméra. J'ai mon téléphone. On mettra ça sur Twitter. Voilà. La bataille. Elle prépare déjà la musique en plus. John Cena. Complètement folle. Je vais lui laisser son yaoi parce que là, il commence à me faire peur. Il vaut mieux, je pense. Il va venir déposer des oiseaux morts sous ma fenêtre si je lui laisse pas. Quoi? N'importe quoi. Ah, ça, c'est ton chat, ça. Oh, non, je pense qu'il est incapable d'être un père d'oiseau. Il est trop gros. Ouais. Il est trop grosse, ma mère. Toujours dans la catégorie yaoi, en moins bon, tout de même, lu par Issam et moi, Neon Paradise, toujours édité par Teifu. Neon Ginza Paradise, non? Il me semble que c'est ça le titre complet, ouais. Non, Ginza Neon Paradise, même. Écrit et dessiné par Uno Hana. Cette fois-ci, on est plutôt dans les années 50, puisque c'est suite à la Seconde Guerre mondiale, où on a le retour au pays d'un militaire qui retrouve son compagnon qui, lui, ne l'a pas attendu. En gros, vu que c'est un one-shot, on va pas trop non plus en dire. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on l'a lu, ça et moi, puisque c'est une lecture de décembre. Moi, j'ai vécu, j'étais à l'époque. Non, je suis revenu de la guerre. c'est une lecture, ouais, de fin d'année, il me semble. Je me rappelle, Jean Moulin. Mon ami Jean Moulin, pas moyen de le retrouver en 45. Je ne sais pas où il est passé. Il nous la touche, trahi. C'est bon, t'as fini? Ouais. J'ai pas l'impression, c'est bizarre. Non, je respecte pas les anciens. D'ailleurs, l'ancien, je crois qu'il faut commencer à le changer, là, monsieur. Je vais raconter mes souvenirs. Bah, dans mes souvenirs, ce yaoi-là, c'était pas terrible. Il y avait pas les yaoi à ton époque, hein. Non, bah, c'est... Merci. C'était pas extraordinaire. Effectivement, c'était pas mauvais, mais c'était pas extraordinaire. C'était même plutôt Osef, quoi. Ouais, c'est ça. Merci Sam de reprendre la droite lignée de ton personnage. Et je reprends le contrôle. Mais c'est dur. C'est dur. Mais, tu vois, vu que ça se passe après la Seconde Guerre mondiale, je m'attendais à voir la résurrection d'un autre personnage. Ah bah je peux aussi. Hein, si vous... En fait, je sais pas si le public est prêt. Voilà, c'est ce que je me disais. Je sais pas si le public est prêt à entendre Hans parler de yaoi. Oui, et parler du Japon aussi. Je sais pas. Bah, vous étiez alliés après tout, mais... Ah oui, mais peut-être un peu trop, justement. Non, mais voilà, c'était relativement Osef. Après, dans mon souvenir, visuellement, c'était plutôt pas mal, quand même. C'était joli. Ouais, c'était vraiment joli. avec un, bah, vu que ça se passe dans le Japon d'après-guerre, il y avait un certain soin apporté au décor qui était des décors assez atypiques. C'est pas une période que j'ai vu beaucoup en manga. Mis à part de Rainbow, mais c'est pas traité de la même manière. Ouais. Ouais. Parce que, oui, Rainbow, c'est, oui, c'est Seconde Guerre mondiale. Ouais, post-Seconde Guerre mondiale, mais ouais, c'est cette période-là aussi. Mais ouais, c'est pas un truc qui est trop traité, alors que c'est une période que je trouve vachement intéressante. Bah, c'est en pleine bulle économique, quoi. Ouais. C'est, mais voilà, niveau histoire, ouais, par contre, c'est pas. Y a rien à se mettre sous la dent. Voilà, c'est ça. On va plutôt conseiller les deux titres qu'on a abordés juste avant. Et merci à Typhoon de nous avoir envoyé tous ces titres au passage. Merci à tous les éditeurs qu'on a abordés jusque-là qui nous ont envoyé des trucs qu'on a oublié de leur dire merci. Ouais, on fait bien de notre boulot. N'est-ce pas? Ouais. Mais bon, désolé, hein, enfin, notre présentateur n'a jamais très bien fait son boulot, mais là, après 2 mois de pause, c'est pire que tout. Hein. C'est à cause de mon hospitalisation, tu comprends. À mon grand âge, ça devient compliqué. On l'était dans la même chambre. On se partageait le même pot. Oh merde. Alors, c'était bien le camaraderie. Non. J'étais bien à un moment avec un vieux un peu fou dans la chambre, voilà, qui pensait que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le détruire, mais. Oh, c'était mon frère. C'est une histoire vraie. En même temps, si t'avais un t-shirt Hellboy, c'est génial, il était pas prêt, vieux. Alors, tu sais, ouais. J'avais ma petite veste d'hôpital, hein, j'avais pas un t-shirt sur moi, forcément. Ah merde. Bah, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je vous raconterai ça en off, c'était un drôle. Une fois n'est pas coutume, on va parler bande dessinée jeunesse. Une bande dessinée écrite par Fred Bernard et dessinée par Benjamin Flau, Le secret de Zara. On suit donc l'histoire de la petite Zara, qui aime beaucoup dessiner, partout, tout le temps. Oui. N'est-ce pas? Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ce qui a donné la Zara Picasso. Ouais, j'avais la faim. Est-ce qu'on ne s'en irait pas de cette pièce? Est-ce qu'on la laisserait pas tout seul? Par la fenêtre? J'ai gagné. Ouais, allez. Une petite BD jeunesse plutôt sympa. Oui, moi j'ai vraiment bien aimé. Mais je pense qu'on l'a tous beaucoup aimé autour de la table. Oula, Sally sort les notes. Oui. Oula. C'est bon. Voilà. Non, c'est clair que... C'est l'heure de la dictée. pour une BD aussi jeunesse, avec un public vraiment... on sent que c'est, que c'est pour des jeunes enfants. J'ai trouvé quand même qu'il y avait ce côté un peu nostalgie qui peut aussi parler aux plus grands. C'est-à-dire le côté un peu... il n'y a pas de règle, en fait. C'est la liberté de création vue par les enfants où chaque couleur, chaque touche va être aussi importante les unes que les autres. Et c'est vraiment rentrer dans la passion du dessin du point de vue d'un enfant. Et j'ai trouvé ça extraordinaire avec justement... Il faut pas couper ça, en fait. Même si elle fait des bêtises, c'est ces bêtises-là, plus tard, qui vont devenir une espèce de grande œuvre que tout le monde va aimer aussi. Donc c'est... D'un côté, aussi, ça parle aux adultes en mode, ne craignez pas les bêtises de vos enfants. Au contraire, il faut savoir peut-être mettre le holà quand même, mais aussi les pousser dans leur passion. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable à lire. Et puis, c'est joli, quoi. C'est joli. C'est très, très joli graphiquement, même si... Enfin, comme ça parle de couleurs, c'est tout coloré de partout. Et oui, c'est vraiment une belle histoire, quoi. Et beaucoup de crayons de couleur, finalement, qui ont servi à... On sent vraiment le côté crayon de couleur partout, dans toutes les pages. Donc, du coup, on a vraiment le côté dessiné par un enfant, pensée d'enfant. Alors que c'est très bien esthétiquement. Ouais, carrément. C'est un atome, hein, c'est pas une série. Alors c'est marrant parce que c'est très chargé en couleurs, mais malgré tout ça reste parfaitement lisible et agréable. C'est vrai, ça pourrait faire brouillon très facilement. Il y a un travail des couleurs aussi qui est assez chouette, ne serait-ce que par le découpage, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est punie, entre guillemets, après avoir un peu dessiné de partout, elle va se réapproprier les couleurs en passant par justement les couleurs primaires. Elle va commencer juste avec le rouge, puis juste avec le bleu, etc. Et puis elle va, de ces couleurs primaires, en faire des mélanges, se créer ses propres univers avec ses dessins qui prennent vie. C'est juste elle qui, avec son imaginaire, va leur donner vie aussi. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment, que ce soit pour les petits ou pour les grands, j'ai trouvé que c'était un très très bon récit, quoi. sur la passion du dessin, sur des choses simples, mais essentielles. Et puis aussi, il y a un parcours fait par ses parents, parce que les parents qui ont un peu de mal par rapport à, au fait qu'elle déborde un tout petit peu la feuille. Complètement, elle déborde. Et qui après, finalement, réussissent, en, enfin, qui ont une fierté après par rapport à leur enfant. Moi, ils comprennent qu'elle doit se faire du pognon. Merci Sam de toujours me ramener sur Terre. Connard de capitaliste. C'est bien gentil le dessin, mais si ça rapporte pas, faut penser à autre chose. Ou non. C'est pas un vrai travail. T'es content de cette table, il y a une infographiste quand même. Hein. C'est pas un vrai travail. Mais quoi ? Une infographiste ? Tu fais des petits dessins sur une petite tablette. Ouais, tu dessinais Mickey quoi. Et t'es payé combien pour rien branler? Non mais ça, pas. C'est pas du travail, c'est de la passion. Je ne suis pas payé parce que mon travail c'est de la passion. T'es payé en passion. Ouais, voilà, super. Ouais. T'es payé en verre de lait, non? Ah oui. Ah oui. Avec un peu de poudre au chocolat dedans. C'est vrai? Bon bref, peu importe. Ça coûte trop cher la poudre au chocolat maintenant. Je pense qu'on a clôturé le sujet sur Zara, on a fait le tour. C'est vrai. Mmh. Ils ont bien parlé comme tous les deux, on les garde. Oui. Ouais, on les garde, on est d'accord. Donc poussez vos enfants à faire ce qu'ils veulent. À faire des conneries. Mais non. Ah merde, je croyais que c'était ça le message. Mais non. J'ai pas compris. C'est pour ça qu'elle est en maison de correction maintenant, la petite. Allez. Allez. Allez. Non, on la suite. Non, j'ai pas envie. Mais la suite, c'est que Issam tout seul, donc j'ai pas envie. Bah, lance-le. Ça va être chiant. Bien. Bon, allez, parle-nous de Barbara, édité par Dale Courtenkamp, et écrit et dessiné par un auteur pas trop connu. Oui, Osamu Tezuka. Ah, il n'est pas là, on n'a que Bouddha. Bouddha. D'accord. Donc, t'es pas très productif en plus comme auteur. Non, à peine 170 000 pages dans sa vie. Voilà, c'est autant dire que c'est pas grand chose. C'est ça. Elle fait la gueule, l'infographiste. Hein. Non, je me suis dit que c'était vraiment, vraiment chaud quoi. Enfin, bah oui, effectivement. Mais surtout qu'il est mort à 50 ans, je crois, Tezuka, il est mort assez jeune. Enfin, en même temps, vu la fatigue, ça voilà. A dû jouer. Barbara, c'est l'histoire d'un auteur de romans plutôt à succès, qui un jour trouve dans la gare de Tokyo une espèce de clodo hippie qui s'appelle Barbara, qui va le suivre et qui va commencer à squatter chez lui. Avec qui il s'entend pas forcément très bien parce qu'elle a tendance à être un peu, enfin, à être complètement sans gêne, même à ramener ses potes à la maison, à lire ses textes quand il veut pas, enfin, elle fait un peu ce qu'elle veut, et lui ça lui plaît pas des masses, sachant que lui est aussi un psychopathe. Hein, dès les premiers chapitres, ça devient assez clair qu'il a des fantasmes franchement bizarres liés aux animaux. Par la suite, c'est très clairement sous-entendu qu'il a tué quelqu'un au moins une fois, qu'il a tué au moins une femme dans sa vie. Il cogne effectivement à répétition sur Barbara, il boit beaucoup. Lui aussi, il confond un peu réalité et fantasme. Donc il est complètement taré lui aussi. Et ça nous raconte un récit assez ésotérique, assez mystique, avec toute une réflexion sur l'inspiration et sur l'art en général, donc avec ces deux personnages complètement paumés. Ça dégage une ambiance, je dirais un peu baudelairienne, dans la mesure où c'est à la fois poétique et franchement malsain. Mmh. Personnellement, j'ai bien adhéré, mais je sais, bah, c'est Alex qui l'a lu aussi avant de quitter l'aventure, et lui, pour le coup, il n'a pas adhéré justement à cause de ça. Parce que, ouais, quasiment à chaque chapitre, Barbara se prend une torgnole. Ouais, c'est le côté violence conjugale qui l'a beaucoup agacé. Quasiment à chaque chapitre, il y a au moins, elle s'en prend au moins une. Puis c'est pas une petite torgnole, hein, pour ce que j'ai vu, c'est vraiment la grosse patate de forain. Après, clairement, comme le personnage est décrit comme une ordure, comme quelqu'un incapable de se contrôler, donc bah, comme un assassin même, qui se tape à un moment un chien en croyant coucher avec une femme, enfin, il est pas net. Du coup, c'est pas légitimé comme comportement, surtout que quand il y a un autre personnage qui est présent, il a tendance à lui dire d'arrêter. Alors, pas au point de le retenir, hein, c'est arrête en mode non, ce serait bien que t'arrêtes ça, s'il te plaît. C'est pas très urbain tout de même. Voilà, c'est un peu ça, mais quand même, son comportement est pas légitimé par les autres personnages. Mmh. Et par contre, ouais, au niveau réflexion, c'est vraiment foisonnant, ça traite de plein de thèmes, même de la religion. Et puis ouais, tout le côté inspiration, ça m'a pas mal touché. Et graphiquement, au niveau de la mise en page, au niveau visuel, il y a des trouvailles que je trouve assez géniales, beaucoup plus que dans Bouddha, dont on va parler après. Ah ouais, mais déjà dans Bouddha, il y a des pages vraiment. Ouais. C'est pour le coup, Barbara, il s'est beaucoup plus lâché là-dessus. Apparemment, c'est une œuvre qu'il a fait un peu entre deux gros projets principaux, et c'est un peu un truc où il s'est plus. Oui, c'est plus lâché. Ouais. Et ça se sent. C'est vraiment très très bon. À côté de ça, j'ai repéré dans Tezuka, il y a un côté storyboard dans ces histoires. Ça pourrait être réutilisé tel quel pour faire des plans d'animation sans problème. Mm-hmm. Bah, il a fait l'animation, ouais. Hein, Tezuka. Il a fait l'animation. Mais ouais. Ce que je veux dire, c'est quand tu prends les cases de Barbara, tu sens presque le mouvement. Oui, bah, ne serait-ce que parce qu'il donne souvent des formes assez dynamiques à ces cases. Enfin, il a été assez pionnier dans l'animation aussi, Tezuka, donc je pense que ça a joué sur son style en manga. Ah bah, il a redéfini le game, hein, lui. On peut même dire qu'il l'a défini, même. Ouais, c'est plus ou moins lui qui a posé beaucoup de trucs au niveau animation japonaise. C'est ça. On sent l'inspiration BD franco-belge. Oui, beaucoup. Oui. Dans tout ce qui est aspect visuel, les bulles et d'autres petits détails. Les marques de mouvement, notamment. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Dans Bouddha, il y en a pas mal, des marques de mouvement. Ouais, dans Barbara, il y en a pas mal aussi. Alors, j'ai cru ressentir aussi de l'inspiration venant des vieux polars français, aussi, sur la façon de se comporter des personnages. Après, il y a plein d'inspirations qui peuvent venir. Ouais, après ça, je pense que c'est aussi l'inspiration film de Yakuza et oui. Film noir japonais de l'époque. Non, je suis pas sûr qu'ils étaient encore trop inspirés par la France à l'époque, peut-être, ouais. Mais... Bah, je sais qu'il était très ouvert à ce qui se passait autour Tezuka, notamment oui. Tout ce qui se passait aussi en animation américaine, tout ce qui se passait. Enfin, il se renseignait. On va enchaîner sur. Ouais, alors juste précision, il va y avoir un film justement, ouais. Barbara, par le fils de Tezuka. Ça doit sortir d'ici quelques mois normalement. Alors je sais plus qui joue l'auteur, mais c'est Fumini Kaido dans le rôle de Barbara. Et c'est clairement une des meilleures actrices actuelles au Japon, donc j'attends de voir. D'accord. On enchaîne directement avec La vie de Bouddha. Ouais. Donc toujours par Tezuka, et toujours proposé dans une superbe édition par Delcourt Tonkam. Oui. La vie de Bouddha, par contre, c'est plus de la grosse fresque, puisque ça sera en 5 tomes, il me semble. 4, je crois. 4. Mais ils font 800 pages chacun. En gros, pavé de 800 pages. C'est ça. Oui, c'est du gros bourrin. Hein. Alors que Barbara, c'est du one-shot, Barbara, c'est en 1 tome. Après. Donc... Oui, 4 pavés, 800 pages, ça lui a 2 mois de travail à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Ça au petit déjeuner, quoi, un tome comme ça. Oui, c'est ça. C'est entre le Nesquik et les céréales, quoi. Allez, hop. Il a été un petit peu prolifique, je crois. Un petit peu. Ah, donc, La vie de Bouddha, bah. Comme son titre l'indique, bah. C'est sur La vie de Bouddha. Mmh. Hein. Ah, c'est tout. C'est ouais. Non, il y a. Non mais, ce qui est très intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'aspect graphique. Parce que tu dis qu'il n'y a pas trop de... après, j'ai pas lu Barbara, donc je peux pas avoir de comparaison. Mais je trouve qu'il y a vraiment des passages où il se lâche, où on sort vraiment des cases, et où c'est pas du quadrillage. Là, à l'opposition avec la BD franco-belge, t'as beaucoup de codes que tu trouves maintenant dans les comics modernes d'aujourd'hui. Et... Tu vois, avec La vie de Bouddha, par exemple, tu vois, rien que ça, faire sortir un personnage d'une case comme ça, mais à l'époque, c'était ma famille. Oui. Personne faisait ça à l'époque. Oui, non, mais oui, il y a déjà ça dans Bouddha, mais c'est clairement dans Barbara, c'est encore plus marqué. Ouais. Et tout ça, ça te prouve que c'était un putain d'auteur, mais ultra en avance sur son temps, quoi. C'est extraordinaire d'être aussi en avance comme ça, quoi. C'est dingue. Oui, il a été précurseur. Dans plein de domaines, quoi. C'est incroyable. Et puis, Bouddha montre bien sa capacité à passer d'un style à l'autre. Parce qu'il y a des passages, on est limite dans du Disney quand il parle avec les animaux et compagnie. Et il y a d'autres passages où ça parle d'esclavage, où ça parle de... Oui, t'as des passages plus joyeux, d'autres beaucoup plus durs. Ouais. Pour le coup, ça fait vraiment fresque, Bouddha. Ah ouais, c'est une fresque. Ouais. Rien que par les personnages qui grandissent, qui vivent des trucs, des personnages qui passent la main gauche. Tout simplement. Voilà, tu vas jongler entre plusieurs personnages qui vont chacun faire leur vie, chacun d'un côté, mais leur destin sera quand même toujours lié entre eux. Mm-hmm. C'est vraiment une putain de lecture, c'est assez incroyable ce qu'il a fait avec la vie de Bouddha. J'imagine que ça va devenir plus mystique sur la suite. Je pense, ça l'est déjà un petit peu sur le premier tome, c'est vrai que c'est juste effleuré. Ouais, à mon avis, sur plus ça va aller, plus ça va devenir l'aspect principal du manga. Ouais, je pense aussi, oui. Oui, non, c'est Phoenix qui est en 5 tomes. L'œuvre de Tezuka, c'est... Ouais, et encore, une fois qu'ils auront édité ça, en fait, ils auront édité une goutte d'eau par rapport à la totalité des trucs. C'est ça, quoi. J'ai vu quelqu'un qui parlait la dernière fois de dessin qui montrait qu'à partir d'une base où il disait voilà, on prend une base qui ressemble à celle de la tête d'Astro Boy, donc aussi de Tezuka, et il disait bah c'est simple, juste avec cette base là, j'efface quelques traits, je rajoute quelques autres traits, et ça, là on a la tête de Lupin. Et il disait voilà, Tezuka en fait a permis de faire du dessin assez rapide, et il disait la base Tezuka a servi à faire énormément de personnages. Ils avaient plein de personnages les uns derrière les autres avec toujours la même base. Oui, puisque au final, ces personnages sont plutôt simples à dessiner. Hein. Oui, oui. Mmh. Mais c'est marrant. Ça, je trouve ça moins frappant dans Barbara, justement. Ouais. Le personnage de Bouddha, effectivement, a un côté assez enfantin. Enfin, ouais. Moi, je serais incapable de les dessiner. Hein. Je suis une bille, je dessine bien que les bites. Mais... Cette phrase va être isolée. On en voit peut-être une ou deux, mais c'est enfin pas assez. Oh, on en voit beaucoup dans Bouddha quand même. Ouais, mais pas assez pour que je puisse leur dessiner quand même. Et dans Barbara, ils sont un peu plus complexes. Ne serait-ce que Barbara, qui a pourtant un visage plutôt juvénile, plutôt simple. Je pense qu'elle reste assez dure à dessiner, assez dure à saisir. C'est vrai. Fait varier son style de manière assez insidieuse, Tezuka. Tu t'en rends pas compte. Mais en fait, d'une œuvre à l'autre, il évolue pas mal. Mais dans Bouddha, c'est surtout dans tout ce qui est décor qui se lâche. Ah oui. Où les décors sont magnifiques. Bah tiens. Puis Paul, quand je dis ça, voilà quoi. Dans Barbara, sur les montagnes. Voilà. Dans Barbara, j'ai cru déceler des formations dans les visages, des perspectives, des trucs comme ça. Il essayait de faire ça vraiment dynamique. Donc du coup, il n'y a pas cette structure simple qu'on retrouve. T'as plein de trucs que beaucoup d'auteurs n'auraient jamais fait, en fait. Dans Bouddha, t'as ce passage-là avec l'invasion des... Enfin, la migration des insectes. Aide-moi. En Égypte. Ah, oui, les sauterelles. Non, pas les sauterelles, les... Les grillons, les criquets. Oui, c'est les criquets, en plus. Oui, okay, c'est les criquets, voilà, pareil. C'est bon. Et où Tezuka fait une double page où il en dessine une vingtaine, une trentaine. Ouais. Où il se casse le cul à le faire, alors que plein d'auteurs l'auraient jamais fait, quoi. Voilà. Et je serais vraiment curieux de lire... Ça, il y a plein d'auteurs qui l'auraient jamais fait, concrètement. Je serais vraiment curieux de lire Ayako, maintenant, de Tezuka, qui a été édité dans la même collection. Ouais, qui est déjà sorti. Pour l'instant, ils ont édité le premier tome de La vie de Bouddha, ils ont édité Ayako, les trois Adolphe, en MW. Deux tomes, Barbara et MW. C'est, en fait, ils me tentent tous bien. Del Courton, quand même, si vous nous écoutez, qu'il vous en reste dans des cartons. Déjà, ils nous ont envoyé cela, c'est déjà très gentil. Oui. Oui, mais bon, on peut être encore plus gentil. Soyons gentils, aimons-nous, Del Courton, Cam, aimons-nous. Mais si vous voulez, je redirais du bien de Iron Hammer, Against the Witch, s'il n'y a que ça pour me faire plaisir. T'as vu là où il en est quand même? Mais ce qui est super, c'est que quand j'étais petit, pour moi, c'était, comme je disais, pour moi, c'était Astro Boy et le Roi Léo, quoi. C'est le cas. Et j'ai redécouvert et je me suis dit, mais putain, en fait, c'était extrêmement adulte, net, précis. Enfin, c'était. Ce mec-là, il a tapé à peu près dans tout ce qu'il pouvait. Ah oui, mais déjà, Astro Boy, il y a des trucs plutôt adultes dans mon souvenir. Ça serait super cool qu'il ressorte Astro Boy. Qui sont abordés, c'est notamment sur ce que c'est d'être vivant, qu'est-ce que c'est le soi, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que. Enfin, c'est. Il y a combien de tomes d'Astro Boy? Je sais plus, mais il y en a pas mal. Et même le Roi Léo, hein, ce serait bien qu'il l'ait. Oui, c'est vrai. Tiens, tu vois, c'est ce genre de bulle typiquement qui. C'est du franco-belge, quoi. Oui. Les bulles comme ça. Les trucs qu'on retrouve plus tard dans les Astérix. Et puis ça, c'est quand Astérix y court, quoi. Mais sauf que c'est avant Astérix. Quoique ça. Ah, c'est à peu près la même période. Ah, c'est la même période. Je sais à peu pas, près... c'est quelle année, Bouddha? 1972. Ah oui, donc oui, le premier Astérix était largement sorti, je crois. Ouais, c'était avant, hein, c'était le premier Astérix. Mais voilà, les rééditions. De quoi, quoi? Comme quoi, la France! Toujours en avance! Comme quoi, les Gaulois! Les Gaulois! Hein? Alors, c'était à l'époque, en fait. Ah non, Astérix, c'est français. Ah, c'est français. Ah, c'est français Astérix pour le coup. C'est Tintin qui est belge. Je croyais que c'était apparu dans la bande dessinée franco-belge, enfin dans la bande dessinée belge au début au niveau des. Non, ils sont français. Ouais, c'est français, Goscinny, les deux. Ok, j'ai envie. Après, pour raison fiscale, ils sont peut-être devenus belges, hein, mais. Comme certains chanteurs. qui était un petit peu belge, un petit peu. On a dit qu'on tapait pas sur les morts. C'est vrai. Bah, y a pas que lui à mon avis, tu sais. Mais c'est les acteurs qui sont un petit peu suisses. Un petit peu russe. Un petit peu russe. Mais voilà, les rééditions de Delcourt Tonkam du boulot de Tezuka, déjà c'est des putains d'éditions, elles sont vraiment très très jolies. Ouais, ouais. Elles sont magnifiques. Il y a vraiment un gros travail de fait. Grand format en plus. Grand format, le prix est pas déconnant, c'est 30€ le bouquin. Ça les vaut largement. C'est parce qu'on parle de bouquins à couverture dure qui font entre 500 et 800 pages. Hein, ah, c'est pas du Régis. Pour le situer. Voilà. Et le plus petit, c'est peut-être Barbara qui doit faire 500 pages, quoi. Mm. Donc voilà, on est loin du bouquin Rikiki, quoi. Toi, le Rikiki. Et puis ça a de la gueule dans une bibliothèque. Les gros pavés comme ça. Mais ouais, espérons qu'il continue à éditer pas mal de Tezuka, parce que c'est un auteur majeur, et j'ai l'impression qu'on n'avait pas tant de trucs que ça de lui en France, ou alors dans des éditions un peu dégueulasses, c'est ça. Et souvent introuvables. C'est ça. Ouais. Bah, Bouddha avait été édité, Les Trois Adolphes avaient été édités. Et... Ouais, mais c'était devenu introuvable, non ? Princesse Saphir aussi, en petit bouquin. Mais oui, c'était devenu compliqué à trouver. Et même dans la grande période, justement... Phoenix avait été édité aussi. Dessin animé Tezuka qu'on a eu en France, c'était pas encore, il n'y avait pas encore eu vraiment le manga qui était ancré. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de Tezuka, quoi. C'est seulement maintenant, pour moi, que ça commence vraiment à refleurir. Après, du coup, il faut aussi que Delcourt Tonkam suive, quoi. C'est-à-dire que là, il réimprime parce que c'est les 80 ans de l'auteur. 90. Ouais, 90 de l'auteur. Mais c'est-à-dire qu'une fois que ça sera plus dispo, il faut qu'il réimprime. Faut pas qu'ils se laissent aller à pas réimprimer, quoi. Ouais. C'est ça le truc aussi. Bah, et puis il faudrait qu'ils en fassent d'autres aussi. Aussi. Parce que voilà, Astro Boy, ce serait bien que c'est. Enfin, c'est quand même un des. Je pense que c'est peut-être un des mangas les plus importants. Alors, Astro Boy, il me semble que c'est encore disponible chez Kana, il faut juste vérifier. Et il me semble. D'accord. Mais par exemple, Le Roi Léo, oui, c'est. Ouais. Il faudrait qu'on l'ait, quoi. Ouais. Un autre auteur majeur, c'est Kitaro le Repoussant qu'il faudrait rééditer aussi. Parce que pareil, Mizuki. C'est bien Mizuki, l'auteur. Ouais. Ça commence à devenir dur à trouver. Kitaro, c'est disponible chez Cornelius, je crois. Ouais, mais il y a des tomes épuisés. Je l'avais commencé et il y a des tomes épuisés. Un tout petit éditeur, hein, Cornelius. Donc, Et pareil, c'est génial. Mais... Ça fait partie typiquement des éditeurs qui devraient passer par du financement participatif. Mm-hmm. Comme le font de plus en plus d'éditeurs maintenant, en fait. Ouais. Bah, Issam, on est d'accord qu'il faut lire Barbara et La Vie de Bouddha. Oui. Et pour le reste, bah, Delcourt Tonkam, moi je veux bien recommander tout le reste, hein, mais bon, il faut que je les lise avant, donc éthiquement, je ne peux pas recommander sans les avoir lus, mais par contre, volontiers, si vous voulez que j'en parle. Pensez à Hans et envoyez-nous La Vie des Trois Adolphes. S'il vous plaît. Et si on passait au prochain titre de cette sélection, on commence un petit peu à en voir le bout, messieurs, dames. On va parler d'un titre de Vega. On est trois autour de la table à l'avoir lu, il me semble que Nécro, tu ne l'as pas lu. Ah. Journal d'une vie tranquille. Je sais qu'on est deux à avoir apprécié, et que l'un autour de la table a trouvé ça bof aux F. Ouais. Voilà. Écrit et dessiné par Tetsuya Shiba, qui raconte la vie de Tetsuya Shiba, qui est un auteur dont on n'a pas eu grand-chose, en fait, chez nous, parmi tout ce qu'il a bossé, parce que c'est un gros mangaka de l'époque... pas de l'époque Tezuka, plutôt de l'époque Matsumoto. Un petit peu après. Un petit peu après. Et il nous raconte sa vie de mangaka d'aujourd'hui, d'avant, et surtout une grosse partie quand il a vécu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Sally et moi, on a trouvé ça plutôt intéressant, malgré un début de bouquin un petit peu chiant. Bah, après, j'ai déjà un truc que j'ai trouvé assez cool, c'est le format, c'est-à-dire que ça sort un peu du manga habituel, c'est tout en couleur, c'est tout petit, c'est pas très très épais comme volume, et au début c'était beaucoup d'histoires en 4 cases, en une page en quelque sorte, et ça racontait des petites anecdotes de sa vie de mangaka, sa vie de maintenant, sa vie de vieille personne, sa vie d'avant, enfin, donc c'est vrai que le début est un peu long à démarrer, en fait, jusqu'à ce qu'il entame le récit justement sur son enfance, sur le début de la guerre, ouais. Ça c'est vraiment vraiment très très intéressant. Et voilà, mais après j'ai beaucoup aimé le soin apporté aussi au la couleur un peu jaunie des pages. Mmh. On n'y fait pas forcément attention, mais en fait ça ancre un peu le récit dans quelque chose d'un peu plus vieux, d'un peu plus vintage et tout ça. Alors qu'en fait c'est juste une couleur de page. Et j'ai eu du mal avec la couleur. Genre je sais que du manga passé tout en couleur, c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. Mais comme là ça allait bien avec les histoires et que c'était quelque chose de vraiment très court, ça se lit vraiment très vite. Super bien, Voilà, bon. Mais en tout cas, l'édition est super jolie et j'ai bien envie de voir ce que va donner la suite. Ouais, bah, je te rejoins. Mais du coup, Issam, qu'est-ce qui t'a un petit peu déplu ? Bah moi, c'est limite l'inverse de toi, en fait. J'ai préféré les passages où il raconte des petites anecdotes sur sa vie, des anecdotes sans conséquence, parce que je trouve que le format se prête assez mal aux souvenirs sur la guerre. On sent que c'est des trucs qui lui tiennent à cœur. Mais moi, en 4 pages, en fait, ça fait trop anecdotique. Ce que c'est des anecdotes, mais... Mais après, pour moi, du coup, ça a aucune puissance. Mais après, t'as des récits qu'il arrive à développer sur plusieurs chapitres, donc le 4 pages se transforme en... Ouais, mais je trouve qu'à chaque fois, ça retombe quand même. Mm. Parce que ça repart, ça doit repartir, ça doit reprendre du... À chaque nouveau chapitre, ça doit reprendre un peu le fil. Mm-hmm. Tandis que quand il raconte des petites anecdotes sur sa vie, bon, bah, c'est rigolo, c'est pas foufou, mais c'est rigolo. Quand il va à l'hôpital et qu'il oublie toujours ses médicaments. Ouais, voilà, c'est. Tandis que, ouais, les souvenirs de guerre, je sais pas, je trouve que le format s'y prête pas forcément très bien. J'aime bien les passages où justement il parle de ses anciens collègues mangaka. Oui. Ça c'était cool, ouais. Avec le club de golf qu'ils ont formé. Qui pour une partie ont l'air d'être des bons gros connards d'ailleurs. Oui. Ah bon ? Ouais, j'ai plus son nom, mais je crois que c'est l'auteur de Golgo 13 qui se la pète en mode « Oh, vous avez rien foutu, moi j'ai fait 300 pages dans le mois. Ah, ta gueule, achète-toi une vie. » Oh putain, le mec vient de féliciter Tezuka pour son nombre de pages qu'elle fait. Ouais, non, mais le mec qui s'en vante comme ça et qui humilie les autres. Ah, mais tu sais pas, peut-être que Tezuka c'était pareil, hein, peut-être qu'il se l'a raconté. Peut-être, mais c'est pas, il s'en vante pas dans Bouddha, quoi. Il y a pas un moment, une case. Ouais, bah, j'ai fait 600 pages ce mois-ci, dans votre cul. Vache. J'ai écrit Bouddha entre deux tartines de chocolat. Non mais voilà, c'est pas désagréable. Hein. Je vais pas dire qu'il faut pas le lire. C'est juste que moi, ça n'a vraiment pas transcendé. Mmh. Ouais, non, moi c'est une lecture qui m'a bien tenu du début à la fin. Alors je sais, j'ai pas regardé hein, combien de tomes il y avait de sortie au Japon parce que c'est un tome 1. Pas beaucoup, je crois. Hein. Après, il faut quand même féliciter l'auteur qui a genre 80 ans quand il écrit ça, quand il dessine ça, pardon. Ouais. Ça va, on peut racheter dynamique. Moi j'ai trouvé ça fou qu'à plus de 80 ans il continue à dessiner et à raconter des petites anecdotes et tout ça, même si c'est pas au même rythme que forcément les jeunes du Shonen Jump. J'ai trouvé ça quand même assez fou. Bon, il gribouille 4 pages par semaine. On va pas l'applaudir. Et voilà, du coup j'ai trouvé ça assez fou. Issam, quoi. Mais encore une fois, c'est Vega qui sort un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Oui. Et qui appuie un petit peu sa position d'éditeur qui sort que du seinen pour l'instant, que ouais. Du truc un petit peu mature. Ça c'est bien, vive le seinen. On est d'accord. Et dans ce qui va arriver bientôt chez eux, il y a pareil pas mal de trucs plutôt plaisants. Des trucs très chouettes en plus des suites de séries qu'on attend beaucoup. Donc Journal d'une vie tranquille, bon, t'as trouvé ça un petit peu osef, mais c'était pas détestable quoi. Oui voilà. Et du coup, nous allons passer à un titre qui... Là, c'est le contraire. On est toujours les mêmes personnes à l'avoir lu. Sauf que là, c'est Sally qui a trouvé ça un petit peu osef, alors que moi et Issam, ça va. C'était pas désagréable. Oh. Non, je plaisante. Ah. Oui, Grenelier. Grenelier. Édité par Ototo, cette fois-ci. Alors, Grenelier, ça se passe dans un univers de fantasy, plutôt médiéval, et ça nous raconte l'histoire de Luca, dont le père commence à faire des expériences étranges à base de plantes, et des expériences pour une partie interdite. Mais en même temps, quand tu mets des graines dans des gens, ça peut poser problème, quoi, éthiquement parlant. Ça va. C'est comme ça qu'on fait les bébés. Lumière. Ah. Lumière. Et un jour, les grenouilliers, qui sont un peu la police des plantes. Monsieur, qu'est-ce que vous cultivez? C'est des gros légumes, hein, ça. Qu'est-ce que vous cultivez, monsieur? De la marijuana, gros. Donc les grenouilliers font irruption chez eux, ils veulent arrêter le père. Les grenouilliers. Qui donne des... Et donc le père donne des graines à son fils, Lucas. Qui va les avaler, je sais plus comment il en vient à les avaler. Voilà, enfin en tout cas il les avale. Je sais plus non plus. Et ça va le transformer en une sorte de créature interdite. Il va rester plusieurs années dans le coma et quand il va se réveiller, il est devenu en partie plante, donc il a un énorme besoin d'eau. Et normalement, il est une créature qui devrait pas exister. Il a un contact particulier avec les plantes, pareil, apparemment il peut les faire pousser très rapidement. Et donc il va devoir cacher ça, parce que si on le retrouve, on le tue. Et on tue tous ceux qu'il fréquente. Et c'est pas très bien de tuer. Non, c'est pas très bien. Et mourir, c'est pas très bien non plus. Bah, c'est ça. En général, on préfère être vivant, quoi. C'est vrai que si c'est pour manger les pissenlits par la racine. Bah, surtout quand t'es un homme plante, c'est bien. Oui, surtout quand t'as un pissenlit. Surtout quand tu produis des pissenlits dans ton corps. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a quelques petits soucis de rythme, en fait, dans le tome 1, je trouve, qui plombent un peu certains passages. Mais l'univers est assez intéressant et les personnages sont plutôt cool. Après, ça m'a beaucoup rappelé Arbos Anima, une autre série qui est beaucoup mieux maîtrisée, qui est beaucoup mieux maîtrisée et beaucoup plus jolie aussi. Arbos Anima, qui est édité par par Glénat, ouais, par l'autrice de, c'était comment déjà sa précédente série, une série post-apo, oui, où là les gens se transformaient pas en plantes, se transformaient en une espèce de gros cafard dégueulasse. Parce que je sais que tu les as, donc tu vas nous retrouver sa vie rapidement. Bah, continue à parler, hein, en attendant. Bah oui, mais j'ai plus rien à dire, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, tu veux parler de l'esthétique, savoir si c'est sympa et tout. Ah bah, dis-nous ce qui t'a plu. Bah, l'univers, déjà. L'univers plutôt intéressant qui fait penser, oui, à Arbos Anima, mais avec une ambiance bien différente. Parce que dans Arbos Anima, il n'y a pas vraiment tout ce côté médiéval, un petit peu fantasy, qui est beaucoup plus exploité là. Et t'as pas tout ce côté... comment dire, puis y a pas le gouvernement en place qui essaye de contrôler tout ça. D'accord. Puis il n'y a pas la police des plantes. Il n'y a pas la police des plantes. Par contre, visuellement, c'est sympa, mais c'est quand même assez... vide. Vide, mais surtout tradit, quoi. Il n'y a pas, de truc qui sort de l'ordinaire. Ça, je sais pas si tu es d'accord, Issam, mais... Oui, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est très classique, en fait, au niveau du dessin. Après, vide, ouais, ça dépend quel passage, en fait. Je sais pas, moi, ça m'a pas... Et toi, qu'est-ce qui t'a pas accroché, du coup? Bah, graphiquement, j'ai trouvé que c'était assez pauvre, que c'était souvent vide. Le propos m'a pas plus touché que ça. J'ai trouvé quand même que... J'ai trouvé que l'univers avec les graines et tout ça, c'était assez original. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Clairement pas. Mais alors, je pense que ça vient aussi du rythme qui est très lent au début. Ah, mais ça, on est d'accord. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas d'enjeu, en fait. Que les enjeux étaient pas importants, que l'histoire était... Enfin, que le fil rouge qui est censé un petit peu accrocher le lecteur était... quasi inexistant ou assez pauvre. Donc du coup ça m'a pas... Je l'ai lu quand même, mais j'ai pas éprouvé plus de plaisir que ça. Je suis arrivée à la fin du tome et j'ai fait, ah ben, enfin il se passe quelque chose dans les dernières pages. Mais voilà. La fin du tome 1 annonce un tome 2 un peu plus dynamique normalement. Voilà, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Honnêtement, je pense qu'on peut se tourner vers quelque chose de plus... de mieux. Bah, Arbos arrive déjà. Oui, donc l'autrice s'appelle Kachu Hashimoto de Arbos Anima, et son autre série c'était Kagaster, sa série post-apo. Qui est vraiment très très cool, Kagaster. Ouais. Kagaster qui est une petite série en 6 tomes, édité par Glénat du coup. Et Arbos Anima on en est à 3 tomes ou 4 tomes, je sais plus. Qui est très chouette aussi, et c'est pareil, c'est le même délire. C'est avec un personnage, enfin là le personnage peut communiquer avec les plantes, et du coup il part à la recherche de plantes ultra rares. Voilà. D'accord. C'est très chouette. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire, je connais un autre manga où il y a des gens qui parlent avec des plantes. C'est quoi? Radiant. Ah, putain. Ah, ça, c'est son gimmick. Le point Radiant. Est-ce que tu veux qu'on parle du tome 11? Non, non. Il y a le tome 11 de Radiant qui est sorti et c'était vraiment bien. Et c'était très bien. On en a parlé sur la route en off. C'est pas très bien dessiné, quand même. Ta gueule. Issam, tu vas garder la parole. Tu vas être le seul à parler. Puisqu'il s'agit d'un PDF que tu as lu. Envoyé par Kana, Éveil. Oui, donc de Matsumoto. Ça se passe dans un futur assez indéfini, mais plutôt post-apo, même si ça se passe tout le temps dans la nature, donc on n'a pas réellement de marque de ça. Et ça suit un village qui est revenu à quelque chose de très animiste dans sa manière de vivre. Leur vie est beaucoup à base de danse pour communier avec les esprits et la nature. Et on suit principalement une famille de fabricants de masques, justement de masques de cérémonie que portent les danseurs et qui sont censés permettre le contact avec les esprits, que ce soit ceux des morts ou ceux de la nature. Et on suit principalement un des fils de cette famille, qui est excellent fabricant de masques, mais qui sort pas du tout de chez lui, en fait. On comprend qu'il peut pas vraiment sortir de chez lui, parce que c'est le prix, presque, de sa capacité à fabriquer les masques. Et voilà, on les suit sur une année. Par rapport à la dernière œuvre de Matsumoto que j'avais lue, Le rêve de mon père, j'ai beaucoup plus apprécié. Déjà, visuellement, ça reste un truc très identifiable, mais je trouve ça largement plus intéressant, plus organique, d'une certaine façon. Il y a des planches vraiment magnifiques, avec un vrai travail sur le rapport entre la nature et l'humain, et les représentations des esprits notamment sont magnifiques. Après, ça pose une ambiance et un univers qui sont plutôt intéressants, avec tout ce côté mystique et la réflexion que ça peut entraîner. Le souci, et ça je pense que c'est un choix de Matsumoto, c'est que ça fait 90 pages au final, et c'est terminé. Et au final, quand on arrive au bout, ça nous a pas raconté grand-chose, et ce que ça nous a raconté, en fait, ça a pas assez pris le temps. En fait, c'est un truc qui a un gros rapport au passage du temps, sauf que ça se lit en un quart d'heure, en fait. Donc on ressent jamais vraiment cet aspect temporel qui est pourtant vachement important. Je pense que c'est une série qui aurait mérité de plus s'inscrire dans la durée. Parce que là, finalement, ça devient très anecdotique à cause de ça, alors que ça avait le potentiel, je pense, pour être excellent. T'as un goût de tout ça pour ça, quoi. Ouais, un goût, au final, quand t'arrives au bout, tu t'es pas attaché au perso, parce qu'en plus, la narration est très éclatée, en fait, tu suis pas mal de persos, et du coup, t'as le temps de t'attacher vraiment à aucun. Tu mets un bon moment avant de savoir qui est le protagoniste, tu mets facilement 30 pages, sur 90, c'est énorme. Donc voilà, ouais, quand je suis arrivé au bout, en fait, j'ai pas vu ce que j'aurais pu en retirer. Mais c'est dommage. Je le conseillerais presque si c'était pas un tel investissement. Alors, c'est un beau bouquin. Oui, c'est un grand format. C'est un grand format, hein, le bouquin est beau. Mais ça reste 18 euros, quoi. Donc, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça le bilan. Ouais. Merci, Sam. Mais au moins, il n'y a pas de père abusif dedans. C'est déjà bien. Et ça s'améliore. C'est déjà bien. Il s'améliore. Et il y en aura dans le prochain. On va passer la parole à Nécro. Le prochain, il s'appellera Mon père me tabasse. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? On va passer à Nécro, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Ah. Et il va nous parler du tome 2 de Père Fouettard Corporation, édité par Kurokawa. On dit Kurokawa. Kurokawa. Oui, c'est un, quand c'est un U, c'est U. Kurokawa. T'es chiante ? Oui. Oui. On sait qu'il alors, est pas de Hikaru Nakamura. Toi, je t'emmerde. Elle est chiante et toi je t'emmerde. Et toi on te coupe la parole depuis tout à l'heure. Ouais, c'est bien. ça fait plaisir. Hein. Donc Père Fouettard de Hikaru Nakamura. Donc on est au tome 2. Donc là ça fait quasiment un an pour avoir. Ah oui, c'est un par an. Ouais. On l'a eu à Noël. Voilà. Au moins il y a une certaine logique. Oui. Et sinon, donc dans ce tome 2, alors je vais devoir spoiler un tout petit peu. Bah vas-y. En gros, de plus en plus, autour du personnage, en fait, il s'avère qu'il pourrait être l'un des personnages qui remplacerait... Le personnage principal pourrait remplacer le Père Noël, qui a disparu... Bah, ça s'est déjà mis en ouais. place des premiers tomes. Mais du coup, il y a toute une nervosité autour, notamment par exemple au niveau du contremaître, qui lui pète un peu les plombs par rapport à ça, parce qu'il sait pas gérer. Ah, tu veux dire que les autres personnages en prennent conscience. Voilà, les autres personnages en prennent conscience, et du coup, on voit un peu comment ça se passe dans leur tête à eux, quoi. Qui disent, merde... Faut qu'on chouchoute un peu, mais en même temps, faut pas qu'on chouchoute. Ah putain, on fait quoi ? Et si c'était une connerie ? Enfin voilà. Là, parce que, la gueule. Rappel, le Père Noël a disparu, et au niveau de l'entreprise, c'est juste un bonhomme KFC qui est déguisé en Père Noël, qui fait illusion. Donc, une bien bonne idée. Donc on a vraiment le KFC qui est grimé en Père Noël. Et sinon, on a donc... Un boulot qui a été apporté en plus à faire au personnage principal, et donc on voit comment ça se passe, où il est censé trouver quelle punition doivent avoir les enfants. Il doit réussir à déterminer qu'est-ce qui pourrait être la punition juste. Mm. Et donc finalement, bah, ça peut être des fois, si l'enfant a été vraiment cool, du coup ça peut être un cadeau. Mais il est censé faire détecter. Être détecteur, filtre pour le Père Fouettard. En fait, c'est même toujours un cadeau, la punition. Oui, sauf que il est très bon pour juger du mauvais cadeau à offrir de celui qui frustrera pile comme il faut le gamin. C'est ça. Voilà, juste le truc qui fait que l'enfant, il va pleurer, il va pas être bien, quoi. Et du coup, ça le déprime parce qu'il éprouve vraiment les émotions de l'enfant au moment où il fait le test. Ouais. Donc en fait, il passe sa journée à être... Déprimé. À être déprimé, à recevoir, vraiment réagir comme s'il recevait des cadeaux de merde. Pas des cadeaux de merde, des cadeaux qui te frustrent. Hein. Oui. C'est encore pire. Et puis sinon, il continue à mentir à sa famille, hein, comme quoi il est en stage et tout, machin. Enfin, il se démerde, il trouve un truc. Mais bon, il se fait quand même surprendre à chaque fois par à chaque fois qu'il ouvre sa fenêtre. Pour lui, il est chez lui au Japon, il ouvre sa fenêtre, il tombe toujours sur un ours blanc. Il se dit, bon, ok, je suis pas au Japon. Ils vont les ours blancs au Japon. Mais ça va, à les... moins d'un désastre écologique. Oui. Normalement, il n'y en a pas trop. Alors par contre, j'ai été un tout petit peu déçu sur un truc. Les seuls ours que tu trouves au Japon, c'est des pédomères. Alors, je pensais que ça avancerait un petit peu plus, l'histoire, dans le deuxième tome, parce qu'on l'a quand même attendu un an. Donc je me suis dit... Oh la vache. Peut-être... Il y a un tome pour Noël, chaque fois. C'est tout. Ouais. Elle travaille sur une autre série en même temps. Bah oui, sur Jésus et Bouddha, les vacances de Jésus. C'est pas fini. Non, c'est toujours quoi. D'accord. Mais sinon, là, on a vraiment... Quoi? C'est marrant comme c'est... Je suis désolée, je te coupe, Nécro. C'est marrant comme c'est hétéroclite de genre passer des vacances de Jésus Bouddha au Père Fouettard Corporation. Quoi. Ah, c'est le même très peu que j'ai lu des vacances de Jésus Bouddha. Ça a l'air d'être vraiment le même délire. Hein. Ah, ouais, c'est totalement barré. Ouais. Ok, ça marche. À un moment, t'as Jésus qui transforme une fontaine d'eau en fontaine de Fanta, le goût cassis, quoi. C'est pas du Tezuka, hein. C'est pas le couvert Tezuka. Et t'as les gens qui sont là, il a transformé l'eau en fontaine de Fanta. Voilà, je fais, ah d'accord. Pas mal. C'est un Jésus 2.0. Mais je t'en prie, Nécro, continue. Donc ouais, ça avançait moins vite que ce que je pensais, au niveau du tome 2. Parce que c'est vrai que tu te dis, il y a un peu d'attente, donc peut-être qu'il va se passer... Voilà, t'as une attente d'avancement. À côté de ça, ça approfondit beaucoup plus les relations entre les personnages. Ça les approfondit, ça les confirme, ça en apporte de nouvelles. Donc c'est... Du coup, le tome 2 est un peu tranche de vie. Mm-hmm. Et c'est plutôt cool. D'accord. Donc, voilà. C'est vrai que bah, les deux potes qui se fait là-bas, je les trouve super cool aussi. Puis surtout, il retrouve un qu'il ne pouvait pas supporter. Oui. J'aime beaucoup le concept de la supérette où il travaillait, qui était une sorte de lieu de test dans l'antichambre de l'enfer, pour tester ceux qui sont capables de travailler pour le Père Fouettard, justement. Ah, j'aime bien le mec qui travaillait dans une supérette à la con, le seul coup, on lui dit « Quoi ? Tu travaillais là-haut ? Oh mon Dieu ! Ah, tu travailles là-haut ! Mais c'est le lieu où on a recruté les meilleurs !» Moi, d'une certaine façon, ça me concerne. J'imagine que mon hôtel, c'est pareil. Voilà. C'est un test et que bientôt, je gagnerai des milliers d'euros en faisant souffrir des enfants. Ou tu te suicideras. Bah, vu la description, l'un ou l'autre. Vu la description de ton boulot, tu dois te retrouver à la droite de Dieu quand même, là, au niveau de la place. À la droite de Dieu. On a fini avec Père Fouettard ? Ouais, bah oui. On va rester dans les critiques un peu rapides avec le tome 3 de Survivant que je suis le seul à avoir lu autour de la table. Sinon, on peut quand même préciser... Non, on n'a pas fini en fait. Juste c'est toujours comme ça. Que ça reste une belle édition quand même. Oui. Parce qu'il y a... Bon, globalement, ils font du bon boulot. Le premier tome était déjà très attrayant, le deuxième est assez cool aussi. Petit bémol pour Sous la jaquette, où là, c'est vraiment très très simple. Après, ça dépend de l'édition japonaise. Sous la jaquette, ça va... Puis ça dépend de l'édition japonaise. Oui, si. Ah bah des fois, là, c'est de plus en plus, il y en a qui mettent bonus au niveau de... pour les curieux qui regardent en dessous. Ils je me rappellerai toujours de l'édition de Full Metal Alchemist avec les petites 4 cases cachées sous les couvertures. Ah oui, elle surbourrait de bonus. Alors hein, sur le dos du bouquin, oui. Dans les Full Metal Alchemist. Oui, et sur les... Non, mais quand un personnage meurt dans le tome, le personnage apparaît en petit ange, là, sur le dos du bouquin. Hughes. Voilà. Big up à Hughes. Big up Hughes. Cette tristesse. Non. Tu vas spoiler le tome 3 du coup ? Non, je veux juste dire que ça reste cool, qu'il découvre un petit, enfin qu'il retrouve un petit peu d'humanité avec l'arrivée d'un personnage. Ça spoil. Bah c'est sur la couverture à mon avis. Oui. En même temps, je peux pas faire autrement quoi. Eh, il y a des marcassins dedans. C'est sur la couverture aussi. D'accord. Il y a des petits marcassins, rien, c'est trop mignon. Vas-y, fais-le en résumé. Donc t'as des nouvelles problématiques qui rentrent en jeu, forcément. Mais... Oh, mais comme c'est bizarre, il trouve une fille. Ça va faire des bébés, tout ça. Non, pas spécialement. Il n'y a pas du tout... Enfin, ce n'est pas encore abordé, en tout cas. Non, j'imaginais le tuto survivaliste de la sexualité en plein milieu. C'est écrit dans son bouquin, quand elle construire une cabane, il va faire un bébé. Alors, il rentre doucement, un petit peu sur la droite. Et comme c'est pas écrit en japonais, il comprend pas bien. Je pense que, logiquement, c'est un... Logiquement, tu sais comment le faire de manière naturelle. Ça traîne sur l'ours. Oh l'ours du tome 2, ça traîne sur les marcassins. Que tu vois là. Sur les petits. Regarde, c'est pour ça qu'ils ont l'air contents. C'est ça. Non, Survivant, c'est toujours une série très chouette, que ce soit au niveau du dessin ou de la narration. C'est toujours cool, on en apprend un petit peu toujours sur des petites choses de survie. Et l'édition de Vega est toujours aussi agréable. Et puis je vais pas trop en dire parce que il se passe pas mal de choses dans ce tome et oui, ça risquerait effectivement de spoiler. Mais tu peux continuer à lire. Faudra peut-être que tu lises le tome 2 pour enfin lire le tome 3. J'ai adoré Survivant, y a pas de souci. Il faut juste que je me procure le tome 2 que j'ai oublié trop de fois. Moi, des deux premiers tomes, j'ai trouvé ça sympa mais pas extraordinaire Survivant. C'est en fait, on m'a pas assez présenté le personnage, donc qu'il survive ou pas, j'en avais un peu rien à carrer. Ça, c'était mon reproche du premier tome, comme je l'avais dit. Ouais, mais le truc, c'est que je pense que c'est aussi pour que ça devienne une aventure plus personnelle. Le fait que c'est un peu comme les jeux de survie, genre dans plein de jeux de survie comme The Forest, comme Minecraft, comme ce genre de truc. On te présente pas le personnage parce que c'est toi le personnage, c'est toi qui dois arriver à survivre. Ouais, mais c'est une mécanique qui marche en jeu vidéo parce que c'est toi le personnage. Oui. Je trouve que ça marche pas. En fait, moi, c'est un truc qui m'a. Je connais la technique, mais je trouve que ça marche pas dans les œuvres narratives. Parce que t'es censé suivre un personnage, tu peux pas être ce personnage, c'est le média ne permet pas ça. Donc pour moi, faut qu'il y ait un effort de construction vraiment du personnage. Tu veux dire comment? C'est la technique de la silhouette vide pour qu'on puisse s'identifier. J'ai jamais adhéré, je trouve que c'est plus flemmard qu'autre chose en fait comme technique. Je suis pas dans le film Predators, où t'as des personnages qui se retrouvent, on s'en fout complètement, il y a pas de développement et du coup t'en as rien à péter qui crève ou pas. Comme dans 90% des films d'horreur contemporains. Comme dans les JRPG, hein, globalement. En général, les Dragon Quest et tout, le personnage principal n'a pas de nom, par exemple. Mais pour le coup, là, tu joues. Iris, j'étais un peu déçu quand elle est morte. Mais c'est pas un personnage principal que tu joues, Iris. En plus, ça spoil pas bien. Ouais, enfin bon, au bout d'un moment, les gens qui voulaient faire FF7, ils ont largement le temps de le faire, quoi. Oui, mais bon, FF7, c'est quand même une autre génération de consoles, et sachant qu'il y a le nouveau FF7 qui va sortir, oui, mais plus, tu vois. Ça se trouve, c'est Barrett qui va mourir dans le nouveau. Alors là, c'est un débat autour du spoiler, mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, quoi. Ouais. Bon. C'est comme si tu reprochais à quelqu'un de dire « Oh mon dieu, t'as spoilé que Dark Vador c'est le père de Luke Skywalker ». Putain, j'y ai pensé. C'est Norman Bates qui tue tout le monde. Voilà. C'est au bout d'un moment... Kaiser Sosa n'existe pas. La Terre est plate, non. Voilà. Spoiler. Oh mon dieu. Elle a été créée par les chats pour pouvoir nous pousser sur les bords, voilà. La Terre est un donut. Oh, il savait un homme lézard. Ah, ce petit haussement de sourcil quand j'ai dit ça. Non mais pourquoi pas. Nécro va reprendre la parole. Oh merde. Avec le tome 2 de Signal 100. Toujours édité par Soleil Manga, ça change pas. Alors, Signal 100, donc on suit encore l'histoire d'une classe qui se retrouve sous hypnose à se suicider si jamais ils font un geste qui est compris dans les 100 signaux qui... Défini par leur prof. Un prof qui s'est suicidé juste avant de les laisser dans la merde. Comme c'est bien pratique. Voilà. Et au premier tome, ils avaient appris un tiers des signaux, et du coup, ils étaient quand même dans la merde, parce que, je veux dire, il y a un des signaux, c'était juste s'asseoir dans le couloir, tu crevais. Mm. C'est quand même, ça peut être n'importe quoi, et ils avaient failli claquer en sortant de l'école. Et là, ça continue assez bien, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que moins il y a de monde, plus il y a de risques qu'ils aient du mal à s'en sortir. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a assez de monde, par exemple, s'il y a plus de 25 personnes, il y a des trucs qui sont faisables, qui permettent de éventuellement sortir de cet état d'hypnose et donc de pouvoir quitter l'établissement sans problème. Sauf que ça implique de tuer des gens volontairement. Et c'est pas cool. Et du coup, il y a deux camps qui se forment. Il y a des camps qui se forment, ceux qui abandonnent leur humanité en disant « je m'en fous, je veux survivre », et ceux qui se disent « non, non, il y a peut-être moyen de s'en tirer autrement ». Abandonner leur immunité, ça va, faut ce qu'il faut. Y en a qui l'ont clairement abandonné, quoi, qui disent qu'on n'a plus rien à foutre, qui disent je m'en fous, je vais manipuler les autres et je vais survivre. Ah oui. Alors c'est toujours aussi sanglant. Mmh. Je pense que c'est dans la lignée du premier tome. Hein. Complètement. Mais c'est assez sympa, quoi, le concept me semble assez sympa. Bon, alors après, ça va pas forcément s'éterniser parce qu'on est au tome 2, ça avance bien. Par contre, il y a encore du twist derrière. Je crois qu'il y a 4 tomes au total. Oui, 4 tomes. De toute façon, c'est ce que j'avais plus ou moins pensé, parce que normalement, vu les twists qu'il y a à la fin, on est vraiment sur un rush. Mais il y a plein de questions qui sont apportées en plus, au fur et à mesure. notamment l'implication de certains personnages qui sont à l'extérieur, qui ont l'air d'être au courant de beaucoup de choses. Donc, ouais, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'est une bonne lecture. Je sais pas qui l'a lu derrière. Pas moi. Je l'ai lu aussi. J'ai trouvé ça un peu osef. C'est vraiment. De nouveau, c'est un manga qui m'a pas marqué. Alors, à la lecture, c'était plutôt agréable, mais j'ai trouvé que c'était un oubliable et que dans le genre de récit, ça a déjà été fait. Et que ça a déjà été fait en mieux. Pour pas citer Battle Royale, tout simplement. Mais ou même les débuts de Darwin's Game, que je trouve assez cool dans le même genre. Mais, C'est une lecture sympathique, mais pas extraordinaire. De mon point de vue, après. Ah, du même aussi. Bah, okay. C'est vrai que dernièrement, j'ai aussi lu par exemple Real Account, ouais. Où j'ai trouvé quelque chose de plus sympa et plus construit que Signal 100. Mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus complètement acheté, quoi. Non. Puis si c'est en 4 tomes en plus, c'est que ça va pas s'éterniser, donc. Oui, voilà, ça va pas tourner autour du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est parce que les longueurs, c'est ce qui tue le plus ce genre de scénario, donc. Bah, dans Darwin's Game. Oui. Typiquement. Ouais. Les King's Game. Et tout ça. Real Account, je sais pas où ça en est maintenant, mais. Ça commence déjà à durer, Real Account. Hein, ouais, c'est quoi, c'est bientôt au 10e tome, facile. Alors que c'est pas évident de durer effectivement, continuer la tension sur un truc comme ça. Quoi. Bah non, clairement pas. Il vaut mieux que ça se termine le plus vite possible. Bah, voilà. Bah, le truc, c'est que tant que tu fais des arcs intéressants, par exemple sur Darwin Games, les 2-3 premiers arcs sont vraiment prenants en fait. Et après, il commence à y avoir des longueurs, voire des twists un peu étranges, qui, je trouve, qui nous sortent du premier scénario en fait, comme si l'histoire s'était séparée en deux et qu'on avait pris autre chose. Voilà. Bon, sinon, édition classique, hein, couverture semi-brillante. Y a rien à dire au niveau de l'édition elle-même, c'est assez simple. Je trouve même que c'est un peu. C'est même pas sur les mangas, d'ailleurs, c'est Delcourt Tonkam. Ouais, c'est Delcourt Tonkam. Dans les Borderline, dans la collection Borderline. Tout Borderline qui nous a. Ou des fois, ils proposent des trucs un peu trop Borderline. Voilà, qui nous a habitués à pire au début. Infection! Et Wonder Rabbit Girl. Ah oui, c'était aussi. C'était bien ça. C'était bien. Espèce de pervers. Pervers coquin. Bon. D'ailleurs, c'est ce qui fait le succès de No Game No Life. Mon dieu. On va retourner aux comics, hein, toujours. Le rythme de publication est un peu lent, je suis déçu. Oh putain. Mon dieu. Toujours de la critique un peu flash. On va retourner chez e-comics, on en aura parlé beaucoup d'e-comics aujourd'hui. Avec ils font des bons trucs. Bah oui, exactement. On en parle. Avec le 5e tome. Ouais, et puis nous les envoie surtout. C'est vrai. En plus. Avec le 5e tome des Tortues Ninja. Quoi? Mais les Tortues Ninja, c'est nul. C'est pour les gamins. Mais elle est folle, celle-là. C'était une vieille parodie. En plus, non, elle a été créée pour vendre au des début, jouets. C'était pas très bien, mais le film de Michael Bay était chouette. Quand même. Ah, oh putain. Oh mon dieu. Surtout puis, le deuxième. Et l'ancien Tortue Ninja, le 3, là, il était super. En plus, il y avait des blagues et tout sur le Japon. Ça faisait... Je vais me suicider. Quelle horreur. C'est bon, vous avez fini, vous allez dire des erreurs. Ouais. C'est bon, vous avez fini. Ouais. Oui, vas-y, vas-y. Vous êtes tous des criminels. Cinquième tome des Tortues, du coup, qui se focus exclusivement sur l'évolution psychologique des personnages. Et beaucoup sur Casey Jones, qui est en pleine confrontation avec son paternel qui bosse pour Shredder. C'est pas très cool quand tu bosses pour Shredder. Paternel qui a un petit peu tendance à lui frapper sur la gueule. C'est pas bien de frapper sur ses enfants, quand même. C'est pas très très cool. Faut bien les éduquer. Et en parallèle, tu suis le personnage de Hob, qui est un chat mutant qui pète la classe. Black Sad. C'est un petit peu l'ambiance Black Sad, ouais. Qui est en train de préparer une grosse armée de mutants pour affronter Shredder, avec l'aide un petit peu volontaire des tortues et de Splinter, surtout. Et de la méga tortue qui était dans les premiers comics c'est de ça. Tortue Ninja. Slash. Une grosse tortue un petit peu violente qui aime bouffer des pizzas et des bonbons. Parce que tout le monde aime bouffer des pizzas et des bonbons. On a aussi le retour de vieux méchants emblématiques des premiers comics, comme le roi des rats, qu'on avait aussi une version toute rigolote et toute bidon dans le dessin animé des années 90. Donc voilà, c'est un tome de transition, les tortues qui reviennent à New York et qui essayent de reprendre un petit peu leur ville après que Shredder s'en soit approprié. Et surtout un tome qui annonce un tome 6 assez explosif. Il y a combien de tomes aux États-Unis ? Pour l'instant, 17. Ah oui, d'accord. Donc la série continue et est bien partie pour durer. Mais c'est vraiment une très très longue série. Est-ce que c'est mieux que la série télé qui était faite avec les 5 tortues ? Ah mais... Toi là, avec Vénus, la 5e tortue. La tortue femelle qui a des seins. Au début, elle devait s'appeler Uranus, mais ils se sont mis dans un peu trop. Hein. Si tu commences à recycler les vannes de Futurama, on va pas s'en sortir. Tu t'en souviens pas de celle-là? J'ai pas vu tout Futurama, ouais. C'est possible que je l'ai loupé. Les scientifiques ont changé son nom, ils trouvaient ça trop vulgaire, ils l'ont appelé Urectum. Mon dieu, Futurama, quoi. Mais donc voilà. C'était dans un Epic Rap Battle of History aussi. C'est ça. À propos de Freddie Mercury. Les Tortues Ninja en comics, c'est toujours bien, et c'est bien parti pour durer. Et non, ce n'est pas que pour les enfants. Mais bien sûr que non, je le sais. Mais regarde, c'est trop bien. Ouais, même la couverture est vraiment belle, quoi. Mais... C'est qui les auteurs? Je sais pas si tu les as dit. Alors Kevin Eastman, donc le créateur des tortues, qui supervise un petit peu tout ça. Sinon le vrai scénariste sur la série, c'est Tom Watts et Matheus Santologo, qui est un dessinateur brésilien. Il a quel dessin âge maintenant, Eastman? Oh, il est pas si vieux que ça. Il doit avoir une soixantaine d'années. D'accord, oui, il était jeune quand. Il était jeune quand ils ont créé les tortues. Tortues Ninja, ça a été créé à la base comme étant une parodie de Daredevil. Et puis, oui, c'était, je le savais, mais... plus ou moins une sorte de format fanzine. Ouais, c'était du fanzine noir et blanc. C'est en septembre, en octobre, je sais plus, que e-comics va sortir les tout premiers comics Tortues Ninja. Oh, trop mais bien. Ils vont les éditer et ils vont les rééditer. La grosse tortue vénère qui est dedans, ça datait de la période fanzine. Hein. Oui, c'est vraiment l'un des premiers méchants. Ah oui, c'est du vieux personnage. Mettons, on retrouve tous les anciens de l'époque, quoi. Mais du coup, c'est bien, ça peut faire plaisir aux nouveaux lecteurs des tortues, comme aux anciens qui, d'un seul coup, retrouvent des trucs de leur enfance. Et on est bien loin des films de Michael Bay, qui en fait tellement n'importe quoi. Allez, je repose mon tome. Et on va donner la parole à Issam, qui va nous parler du tome 3 de My Teen Romantic Comedy, édité par Ototo. C'est pas le titre complet. My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected, qui est scénarisé par Naomichi, scénarisé et dessiné par Naomichi Iyo, d'après une histoire, les romans graphiques de Wataru Watari, et le character design c'est Ponkam 8 qui s'en occupe. Tes souhaits. Voilà. On a dit, on se moque pas des noms. On a dit, on se moque pas. Tout court. Et donc, bah, ce tome 3 est dans la lignée des deux premiers tomes, c'est-à-dire on continue à suivre ce personnage principal qui est toujours un peu plutôt asocial, Hachiman, mais qui se retrouve dans un club censé aider les autres lycéens qui ont des problèmes. Et ça reste un peu sur le même mode, donc avec un côté romantique qui se met petit à petit en place. Mais surtout ouais, des petites anecdotes assez sympathiques sur la vie lycéenne. C'est plus tranche de vie qu'autre chose, que romance vraiment pour le moment. Pour le coup, on s'inquiétait un peu au moment du tome 2 de la possibilité à ce que ça verse dans le fanservice. Dans le tome 3, j'ai essayé de faire gaffe, il n'y en a pas du tout, pour le coup. Et il y a même des idées de mise en page que je trouve vachement intéressantes, genre une page comme ça qui fait passer les émotions que par les pieds de ces personnages. Graphiquement, il y a vraiment des trucs vachement, beaucoup plus jolis qu'avant qui se mettent en place. Avec le petit cadre de perso qu'on avait déjà avant, qui se développe petit à petit, on n'a pas réellement de nouveaux personnages importants dans ce tome-là, ça développe surtout ceux qu'on connaissait déjà. Et ouais, c'est pas le manga du siècle, mais ça confirme que pour l'instant je passe un bon moment en les lisant, moi en tout cas. D'accord. Voilà. Eh bien, on est content pour toi, Issa. Et vraiment, si ça continue dans cette direction-là, on n'a pas à s'inquiéter du fanservice ou d'un truc comme ça. Il n'y en a pas du tout dans ce tome-là. Non, mais vu que c'était la principale inquiétude que t'avais. Mais non, mais je ne les ai pas lus. Ah, donc, je n'ai pas d'inquiétude. Si, mais la dernière fois, t'en parlais. Toi et Alex, je crois aussi, s'inquiétaient pas mal de ça. Donc, c'est bien à savoir que ça y est pas. Oui, mais je sais que j'aime pas le fanservice, mais m'accuse pas d'accuser des trucs de fanservice quand je les ai pas lus. Non, mais je pensais que tu l'avais lu et que justement t'avais dit que ça pouvait. Mais ça devait être Alex. Non, j'ai pas lu, mais oui, ça devait être Alex sans doute. Il est temps de terminer cette émission. Donc, Issam, tu vas nous parler des contes macabres de Poe. C'est écrit, dessiné par. J'ai oublié son nom. Alors, c'est écrit par Poe. Oui, non, mais ouais, bon, ouais, ouais. C'est illustré par Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, voilà. C'est par Delcourt en cam Delcourt, tout simplement. Ouais, c'est Delcourt, ça. Ouais. Donc c'est le deuxième tome. Il avait déjà fait un premier livre illustré, enfin de contes de Poe illustrés. Il reprend une sélection donc des contes de Poe traduits par Baudelaire, donc une des meilleures traductions, enfin une des plus poétiques qu'on ait. Donc les textes, je vais pas trop revenir dessus. C'est excellent. Là, ça reprend surtout Eleonora qui est, et le roi Peste. C'est les deux meilleures nouvelles du recueil. Et les illustrations de la combe vont super bien, je trouve, avec le style de peau. Elles ont quelque chose d'assez gothique. Ah, pour le coup, ça colle bien, oui. Il a tendance à avoir des perspectives assez déformées, même dans les visages ou dans les corps, qui, du coup, collent très bien avec l'ambiance un peu bizarre que faire passer peau dans ses récits. J'aime globalement beaucoup Benjamin Lacombe en tant qu'illustrateur, mais voilà, sur des trucs comme Poe, où il a fait aussi Alice au Pays des Merveilles, son style colle particulièrement bien aux auteurs, donc c'est toujours chouette de redécouvrir un des plus grands auteurs fantastiques quand même, anglais, enfin américain, de le redécouvrir comme ça dans une aussi belle édition. Je recommande vraiment d'acheter. Mais l'édition est vraiment belle, avec des reliefs. Ouais, ouais, enfin, vraiment magnifique. Il y a vraiment un travail éditorial très soigné. Après voilà, hein, lisez Poe dans tous les cas, oui. Et lisez-le dans une belle édition si possible. On sait combien de tomes il va faire ? Pour l'instant, il n'y a pas de 3 prévus, mais il y a déjà eu un gros écart. Hein. Le premier, il doit dater de 2012-2013, ah, oui, quelque chose comme ça. C'est, il illustre beaucoup d'autres trucs à côté, donc je pense que c'est pas un projet... je pense qu'il s'est pas fixé de limite. C'est quand il veut, il en fait un, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, quand il veut, quand il peut. Ouais. Merci, ça. De nous avoir parlé de ça. De rien. Et merci donc à Delcourt de nous l'avoir envoyé. Pour l'envoi. Ça fait très plaisir. Il est temps de terminer cette sélection. Ouais. Sally. Ah, le meilleur du mieux. Ah. Le meilleur du mieux. Donc tu vas nous parler de Radiant. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire là. Même pas. On va parler de Contro Natura. Qui, pour une fois, est de la BD même. Oui, parce que c'est italien. Ouais. C'est pas du... Maquet. Maquet. C'est édité par Glénat et Panini Comics. Hein oui. Ah, et Panini. Oui, oui. Oui. Parce qu'à mon avis, c'est Panini qui doit l'éditer en dehors, enfin partout, en Europe, sauf en France. Je pense, parce que Panini en France... C'est une catastrophe. C'est un petit peu les pieds nickelés de l'édition. Hein. Faut dire ce qu'il est quand même, hein. Les mecs sont pas très doués, quoi. Mec, tu leur donnes des putains de trucs, ils sont pas capables de les éditer, mais bon, on en a déjà parlé plein de fois. Écrit et dessiné par Mirka Andolfo, une autrice italienne. Et oui. Et oui. Ah non, mais tiens, c'est toi qui fais un résumé, je veux pas massacrer un truc en faisant un résumé nul, surtout qu'il était tellement bien. Donc, occupe-toi du résumé. Oh là, que je m'occupe, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu en plus. C'est des histoires de petits cochons. Bah ouais, j'avais des petites cochonnes. Bah, c'est l'histoire d'une cochonne, justement. Qui s'appelle Triche. Qui s'appelle Triche, qui... quel âge elle a ? Elle a 25 ans, elle est toujours pas casée. Alors que bah, dans le monde dans lequel elle vit, il vaut mieux être casée au bout d'un moment, parce que sinon c'est le gouvernement qui te case directement, via de la sélection pas très naturelle. Et en donc ils disent, ah tiens, avec lui tu ferais des beaux bébés, et hop, vous vous foutez ensemble, et puis c'est tout, hein, tu décides pas. Et c'est un univers où bah t'as pas trop le choix, tu dois te foutre avec des personnes du sexe opposé, et surtout qui font partie de la même race que toi. Parce qu'on est dans un monde anthropomorphique, donc où les animaux ont une apparence... humaine. Je t'ai coupé. Non, t'as dit ce que je voulais dire. Bah, et donc, du coup, le problème qui se pose, bah, c'est que Triche, toutes ces lois à la con, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête. Et elle fait des rêves un petit peu érotico-coukinou, où elle fait des calinous avec un loup. Et du coup, ça peut poser problème. Et des rêves qui sont de plus en plus obsédants. Parce que ça aussi, ça a une importance. Alors, c'est très bien dessiné. Mmh. Oui. Le chara-design, vraiment, des personnages, est vraiment cool. L'univers est très vivant, c'est très coloré, c'est... L'univers est foisonnant d'idées aussi. Hein. Mmh. Puis même, tu l'as pas lu encore entier, parce que tu le lis au rythme de publication US. Oui, j'ai commencé en rythme US avant que ça soit annoncé en France. Donc, maintenant, je finis comme ça, hein, je vais pas... T'en es au combien de numéro? Alors il y en a 7 qui sont sortis, mais comme j'ai pas eu le temps de récupérer comme j'ai pas pu récupérer mes comics depuis un moment, j'en ai eu 5, je crois. Ah oui, t'es encore au tout début. Toi, là où t'en es, c'est même pas encore parti en couille, quoi. Tu vois du scénar. Ça commence à sérieusement partir en couille. À base de secte. Oui. D'accord. Ouais, la secte est déjà là. Oui, donc c'est bien parti en couille. Ouais. Pour ça, c'est ça. Oui. Oui, bah ça s'empare. Ouais. Oui, ça va bon. Ça vient assez tôt. Hein, il me semblait pas que ça venait aussi tôt. J'aime beaucoup les personnages secondaires, sinon. Ah, sa pote, elle est extraordinaire. Sa pote, elle est géniale. Elle est trop bien. Son pote aussi, qui bosse avec elle. Oui, le book. Oui, il est cool. C'est vraiment, en plus, il y a une implication. Quand il y a une implication, il y a une implication pour tous les personnages qui sont autour, quoi. C'est pas complètement détaché par flemme. Parce que souvent, il y a ça, hein, par flemme. Tu dis, il n'y a que les personnages qui sont proches de l'événement, qui sont impactés. Non, non, là, c'est vraiment le bordel émotionnel très vite. Hein. Donc, voilà, le dessin est super chouette. Et puis, bah, mine de rien, on a une héroïne qui, niveau physique, ne rentre pas dans les cadres établis par notre société. Oui. Voilà, on a une imagerie des corps qui sort vraiment de l'ordinaire et qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en temps normal. C'est vrai que rarement, enfin, on me dit rarement que les cochons sont jolis socialement tous les jours. Issam. Ah, moi j'ai déjà entendu, elle est jolie cette cochonne, mais c'était pas au sens figuré, c'était pas au sens. Oh là là là là. Mais pourquoi j'ai choisi de faire ce podcast avec ces gens-là? Non, mais c'est clair que c'est agréable d'avoir une héroïne bien en chair pour une voilà. fois et pas juste. Mais tous les personnages ont des physiques assez. Qui sortent un peu du cadre. C'est à part hors norme, quoi. Alors c'est bon. À part le loup qui est vraiment baraque et qui fait beau gosse, quoi. Même oui. sa copine écureuil, elle est presque plus émo, presque pas anorexique, mais on sent qu'elle est assez maigre quand même. Son pote Book, pareil, il est c'est pas. C'est le grand dadais, quoi. C'est le grand dadais un peu mince. Enfin, franchement, c'est ça qui est cool, c'est que. En fait, ça aborde beaucoup de sujets et de manière assez. C'est pas oh je vais parler de ça, c'est un mélange de tout en fait qui s'associe, c'est ça de manière naturelle, que ce soit la sexualité, l'identité, les différences ethniques pardon, ou même juste aussi la manipulation de enfin c'est ça la manipulation de l'information, c'est-à-dire que comme tout le petit passage au début qui parle aux enfants en disant oui l'amour c'est bien que quand c'est un garçon et une fille et que quand c'est la même race. Et en tant qu'adulte du 21e siècle aujourd'hui, tu lis ça et franchement ça m'a pas choqué, le mot est trop fort, mais j'ai eu une espèce de prise de conscience en mode c'est vrai qu'il y a quelque temps on pensait ça quoi. Et on inculquait ça aux enfants et je me dis aujourd'hui une famille c'est un panda et une panda hein. Exactement, aujourd'hui on en est encore là hein. Et du coup des fois j'ai trouvé que justement c'était plein de petites touches comme ça qui te remet un peu à ta place et où tu comprends en fait que ben l'amour c'est subjectif. Et ça restera toujours subjectif, t'auras beau mettre des règles. Ça marchera pas. Ça marche pas comme ça. Alors, sinon, dans les personnages très esthétisés, il y a un cochon qui a vraiment l'air fait un peu plus beau gosse, le teint allé, en costard et tout. Et là, on se rend compte quand même quel de la nuance. Voilà, c'est-à-dire que oui, personnage est beau gosse, oui. Mais c'est un petit côté freaks, quoi, le truc qui fait que les personnages les plus beaux. C'est des connards. C'est voilà, c'est pas forcément les plus sympas. Mais Issam, tu sembles omnubilé par l'objet. Non, bah je regarde. Mais en tout cas, on pourrait dire aussi que c'est un très beau livre. La couverture est magnifique, la tranche est magnifique. Enfin. Bah, e-comics encore une fois. Non. Ouais, c'est Glénat. Oh bon. C'est Glénat Comics. Ouais. C'est bien aussi. Quand je l'ai eu dans les mains la première fois, déjà j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'apparence du livre. Et après, quand je l'ai ouvert, ça a été de pair, quoi. Il est vraiment incroyable. Mais alors, je sais pas quel travail est fait sur l'image, mais il y a ce côté doux au niveau de la couleur. Ou de la couverture. Au niveau de la couverture, il y a. Ouais, mais même il y a une sorte d'estompe des couleurs. Ouais. Voilà ce côté un peu halo qu'on retrouve oui, dans certains. Oui, parce je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeux de lumière, etc. pour donner le côté onirique, parce que tout le début, elle est beaucoup dans son rêve, elle croit pas trop ce qui va arriver, parce que le gouvernement essaie de la caser absolument, etc. C'est un peu glauque, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Le passage, on va vous caser. Oui, tout le passage où elle passe. La préparation, il faut ces vêtements-là, on va faire la coiffure, et puis Bah, et puis même le concept d'agence matrimoniale gouvernementale, c'est ça. Rien que ça, c'est glauque. Enfin, je veux dire, il y a aussi tout un côté, genre, tu es un produit de consommation. Ouais, il faut que tu tel plaises que au mal. Le gouvernement le décide, quoi. Genre, elle se fait épiler et tout. Enfin, je pense que. Oui, de force, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça devrait être un choix, tu vois. Enfin, là, la manière dont c'est présenté, c'est vraiment genre. Et même, ils le disent, oh, on a été un peu trop loin, bon, c'est pas grave, quoi. Et je trouve que dans la liberté de chacun, c'est. Bah, voilà, là c'est l'absence de liberté, le racisme total démontré. Enfin voilà, c'est. Et le bouquin est pas cher. Puisque c'est 19,90€ pour l'intégrale. C'est vrai ? Ouais, il faut mentionner ce genre de. Ah non, parce que c'est marqué code prix machin, donc du coup je savais pas. Ouais, je le prendrais. Mais je te le dis, c'est 19,90€. L'intégrale. Ah oui, parce que là, ça fait. Je veux dire, qu'on mettrait ça à 27€, j'y croirais, quoi. Non, là, bah, non, moi aussi, okay. Mais je pensais que c'était quelque chose dans ces prix-là, 24, 25. C'est la recommandation du mois. Oui. Clairement. Mmh. Enfin, pour moi aussi. Hein. Oui, oui, là, c'est. Ça aussi, ça fait partie des trucs qu'on parle un peu tardivement, parce que c'est sorti l'année dernière, en novembre. Tu le mets au-dessus de Maestro et des grosses bites. Alors, oui. Parce que là, il y a des cochons. Ah, bah, rencontre entre les deux. Ah, mais ces pages-là, elles sont magnifiques. Non, oui, parce que je mets ça au-dessus de Maestro, parce que là, il y a du social, il y a du message qui est transmis. Alors que Maestro. Oui, non, pas Maestro, tellement. Maestro, c'est du délire, quoi. Oui, Maestro, enfin, c'est bien, mais. C'est du message, mais. Ouais, mais c'est pas du message aussi profond. Clairement, ouais. Voilà. Alors que là, il y a quelque chose qui se dégage de. Parce que ça fait passer des messages, mais ça oublie pas aussi d'être un comics divertissant. Mmh. Oui. C'est ça le truc. T'as des œuvres qui, des fois, essayent de faire passer un message et qui le font, mais du coup, tu perds le côté divertissement de l'œuvre. Alors que là, ça maîtrise les deux aspects. Puis il y a un truc qui me plaît, c'est ce côté vivant. Univers un peu crade et vivant. Enfin, il se passe des trucs. Les personnages vivent. Chose que je reproche des fois, où t'as des personnages qui sont secondaires, qui sont pas développés, qui sont froids, qui sont juste là pour. Ça, j'ai l'écureuil aussi. Pour servir une intention et puis basta. C'était trop bien. Si on pouvait résumer ça par ça serait trop bien, bah voilà, ça serait trop bien. Le personnage de la mère aussi. Les parents. À lui mettre des nions dans le nez comme ça là-bas. Tiens. Comment elle a toujours dit, c'est l'éducation. Bah, comme ça. Bah dis donc. Et ouais, tu vois, c'est malin parce que ça développe son background via des affiches publicitaires dans la rue, en fait. Ça te le montre pas directement. Mmh. Ouais. C'est seulement via des affiches « Marie-toi avant 20 ans hein, » pour oui, recevoir puis, des aides de l'État. Aussi, là. Voilà, c'est le passage des pubs, la pub aussi. Aussi, ouais. Quand même. Ça te balance des infos sur le background sans te les foutre dans des cases explicatifs, de bulles. Ou, voilà. Donc non, c'est intelligent que ce soit dans l'univers, dans la narration, et puis dans tout ce que ça propose, quoi, c'est tout. Contro Natura, c'était trop bien. Mais oui, du coup, Contro Natura, j'ai hâte de lire la suite, moi. Oui, parce que du coup, il est un petit peu bloqué. Ouais, faut que j'aille à Paris récupérer mes comics. Pleure pas, Issam. Oh, pff, je Issam pas. Et si on terminait ce podcast par ta recommandation? Oui. Donc, je voudrais faire deux recommandations. Je voudrais votre attention. Bah, que tu fermes ta gueule. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Issam. Je voudrais faire deux recommandations. La première, c'est un auteur dont on a déjà parlé dans une recommandation, c'était Necro qui l'avait faite à l'époque, puisque je voudrais parler de Bolshoi Arena, le tome 1, scénarisé par Boulet et dessiné par Azain, qui est dans la sélection officielle à Angoulême. Il n'a pas obtenu le Grand Prix, mais il était dans la sélection officielle. Ouais. Qui se passe dans un futur relativement proche, dans lequel un MMORPG en réalité virtuelle est devenu très populaire. Donc qui s'appelle le Bolshoi et qui est un jeu en fait d'exploration spatiale, donc les joueurs peuvent explorer notre galaxie et au-delà, coloniser les planètes et exploiter les ressources de ces planètes. Donc c'est un jeu qui recrée en fait des civilisations avec des guerres pour les ressources, des immenses entreprises qui se mettent en place. Et donc on suit une jeune fille qui vient de se mettre à ce jeu, initiée par une de ses amies. Étant donné qu'elle fait des études, elle, justement, dans tout ce qui est exploration spatiale, et qu'elle est censée écrire un test sur le sujet, ça la passionne d'autant plus de pouvoir explorer l'espace au travers du Bolshoi, plus qu'elle ne pourrait le faire dans la réalité. Mmh. Sauf que petit à petit elle devient de plus en plus accro au jeu, elle se plonge de plus en plus dedans, ce qui commence à inquiéter certaines personnes, et il y a toute une réflexion donc sur justement est-ce que explorer l'espace au travers du jeu ça revient à l'explorer réellement, est-ce que ça a moins de valeur scientifique, jusqu'où elle peut s'y plonger, les conflits qui ont lieu dans le jeu, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent avoir des répercussions dans le monde réel, étant donné que c'est un jeu quand même très très réaliste dans la mise en scène. D'ailleurs, quand tu meurs dans le jeu, t'es en fait chassé du jeu, t'as un temps de latence où tu peux pas te reconnecter. Donc c'est vachement intéressant au niveau de toutes ces thématiques, qui sont des thématiques qui passionnent Boulet depuis longtemps, hein, de toute façon. Donc on sent qu'il s'est plongé à fond là-dedans. L'espace et la réalité virtuelle, c'est vraiment son truc. Et visuellement, les dessins d'Azeyne sont magnifiques. Il y a aussi tout un travail sur, enfin, des mises en page super sympas. C'est les représentations de l'espace, notamment, je les trouve vraiment géniales. Et avec un cast de protagonistes, notamment les deux héroïnes qui sont super attachantes. Donc c'est vraiment une des très très grosses recommandations, un énorme coup de cœur récent, et je suis content que ça marche aussi bien. Parce que je pense que beaucoup de gens l'ont lu en réalité dans les auditeurs, mais on sait jamais, ça fait pas de mal d'en parler. C'est vraiment une des grosses séries du moment, je pense. Alors, question traditionnelle, il y a un chien. Non, c'est l'avatar du petit ami de l'héroïne. D'accord. Donc c'est pas un vrai chien. C'est, alors ils ont, oui, ils ont les avatars sont quasiment tous assez réalistes en fait, sauf celui-là qui est un peu la mascotte. Alors qu'en vrai c'est un garçon tout ce qu'il y a de plus normal, mais il a choisi un petit chien pour avatar. Mais sinon tous les autres avatars c'est des humains d'apparence plutôt normale. Et c'est assez rigolo de lire les interviews de Boulet et Azeyne ou de suivre leurs Twitter respectifs quand ils parlent de leur collaboration. Et justement de comment certains choix se sont faits, ils ont pas mal dévoilé de petites anecdotes de making of que je conseille, c'est passionnant. D'accord. On a quand même un monde formidable, on peut voir les artistes s'exprimer directement avec les gens très facilement. Ouais, mais il y a souvent le revers de la médaille avec les gens qui pensent qu'ils peuvent s'exprimer avec les artistes comme si c'était leur pote. Oui. Voir les insulter ou être méprisant, et un artiste il a le droit d'avoir aussi, enfin, oui, une vie privée. Ouais, une vie privée quoi, du coup. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment, c'était tu pouvais envoyer une lettre par exemple à l'éditeur qui après passait ou pas la lettre à l'artiste. Mais là, si par exemple un artiste a envie partager quelque chose, il peut le faire directement. C'est quelque chose qui n'est pas... je suis un enfant des années 80. C'était, on ne pouvait pas remercier facilement un auteur d'avoir fait quelque chose, d'avoir apporté quelque chose dans notre vie. Mmh. Boulet, c'est quelqu'un qui apportait beaucoup, hein, quand même. J'aime énormément ce qu'il fait. Même quand il fait un petit croquis, des fois, du soir, ou un truc comme ça, qu'il le poste, mais c'est magnifique, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Et écoute, tu sais, c'est le tome 2... arrive bientôt ou... Alors, je crois qu'il est prévu pour le prochain Festival d'Angoulême, donc non, d'accord, on va l'attendre encore un peu. Mais à mon avis, je dirais novembre-décembre de cette année. Mais bon, c'est les tomes de 160 pages, c'est quand même des beaux pavés. Et puis c'est... Et donc ta deuxième reco ? Et donc ma deuxième reco, alors on reste dans le franco-belge, c'est Chronosquad, scénarisé par Giorgio Albertini, et dessiné et mis en couleur par Grégory Panaccione. Alors, c'est des noms qui font très italien, mais apparemment, c'est français. D'accord. Et il y a quelqu'un qui est listé en adaptation des dialogues, je sais pas ce que ça peut vouloir dire, il s'appelle Simon Canzara, donc je sais pas ce que t'as fait, Simon, mais bravo quand même. Adaptation des dialogues ? Ouais, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une bande dessinée en 4 tomes pour le moment, alors des tomes qui sont plutôt des gros pavés, hein, c'est 200-250 pages chacun. C'est édité par qui ? C'est Delcourt Tonkam, ça, non ? Oui, pas Delcourt. C'est édité par Delcourt. Les 4 tomes forment un seul arc, donc clairement on peut pas en acheter un et s'arrêter là, il y a une histoire suivie sur les 4. Et ça pourrait continuer, mais voilà, il y a une conclusion qui est atteinte. Ça se passe pareil dans un monde futuriste relativement proche, dans lequel le voyage dans le temps a été complètement maîtrisé, enfin globalement maîtrisé, et donc il y a du tourisme temporel qui s'est mis en place. Donc en gros, c'est des groupes touristiques qui sont envoyés à une autre époque et dans un autre point du globe pour assister à différentes époques, la Rome en 767 avant Jésus-Christ par exemple. Beijing en 1282 après Jésus-Christ, enfin c'est comme dans les aéroports, il y a des gros terminaux pour aller un peu partout dans le monde. Et il existe une sorte de police spéciale, le Chronosquad, qui est chargé des affaires. Police des plantes. C'est ça. Non, c'est dérivé, hein. Il y en a qui ils ont beaucoup d'échanges. La police des plantes interspatiales. C'est ça. En gros, le Chrono Squad, il s'occupe de, des problèmes qu'il y a dans les éventuels voyages. Donc, par exemple, de, toute l'intrigue commence avec la disparition de deux touristes, dont la fille d'un très grand banquier. À l'époque préhistorique, je crois, je sais plus exactement quand. Et donc ils doivent retrouver ces touristes-là. Très vite, bon, au-delà d'une intrigue assez poussée politiquement, avec des groupuscules politiques dissidents qui veulent complètement transformer l'utilisation du voyage spatio-temporel. Et des groupes, pour le coup, économiques, des grandes entreprises qui, elles, veulent encore plus capitaliser sur cette force. Il y a tout un message sur le tourisme de masse qui est de plus en plus présent au fil des tomes. Au début, c'est juste un peu... Enfin, les touristes paraissent juste un peu cons avec leur délire photographier les autochtones d'autres époques. Mais peu à peu, en fait, ça devient de plus en plus malsain. On découvre qu'il y a des touristes qui ont pour but de se rendre aux époques de grosses catastrophes, donc soit de grosses guerres, soit de... par exemple, il y en a qui veulent se rendre vers la Shoah pour assister à ça, en fait. Donc il y a un tourisme de plus en plus malsain qui se met en place. Il y a aussi des gens qui choisissent de vivre à l'époque où ils sont allés. Enfin, il y a toute une réflexion assez anticapitaliste qui se met en place petit à petit. Et tout ça servi par une intrigue policière assez compliquée. Hein. On se demande un peu comment ils vont s'en sortir, mais ils retombent bien sur leurs pattes. Donc voilà, c'est à la fois très divertissant et avec un vrai message vachement intéressant. Et graphiquement, il y a un côté peinture qui est plutôt sympa. C'est assez particulier, mais je trouve ça vraiment beau graphiquement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. C'est 4 tomes, ça se lit bien, ça se lit assez vite. Il y a beaucoup de pages muettes dans le tas et globalement, il n'y a pas énormément de dialogue. Et ouais, c'est une bonne recommandation. C'est vachement original. Et c'est agrémenté au milieu de fausses pubs pour des voyages spatio-temporels, justement. D'accord. Qui sont assez rigolotes. Ils ont fait des délires. Ouais, mais on a 2-3 par tome à chaque fois. Et il y a un second arc en préparation ? Pas que je sache, en tout cas. J'ai pas trouvé d'informations dessus. En, ouais. En 4 tomes, voilà. Ils sont sortis quand même de manière assez proche, hein, les 4 tomes. Je crois que sur un an et demi, les 4 tomes sont sortis. Ah oui. Donc ils ont été bien productifs quand même. Ou alors ils avaient déjà préparé Je pense que c'était bien préparé en amont, parce que si tu regardes la 4e de couverture, les autres tomes sont déjà annoncés. Ouais. Eh bien, Sam, merci pour ces recommandations. Bah, de rien. C'est un plaisir de voir des gens qui font leur boulot. Ouais, bah oui. C'est bien. Est-ce qu'il serait pas temps de dire au revoir ? Si, ça va pas durer si longtemps que ça, finalement. Bah, si tu veux, on peut continuer, hein. Allez, on repart. Allez, c'est parti. Alors, il reste des ZZ, on peut partir. C'est bon, on peut y aller. Donc là, on va parler. On a qu'à lancer Sally sur Radiante. Ouais. Et on relance Radiant. Et on met une demi-heure. Bah, on n'a pas parlé du tome 11, c'est donc vrai. On va parler si, donc, on de la femme d'un autre et le mari sous le lit. The Dostoïevski. Est-ce que tu veux qu'on parle de Mémoire infidèle ? Je l'ai pas encore lu. De Elisabeth George. Donc ma mémoire risque de l'être infidèle. Ça a été marrant, c'est de ça. Alors, morceau choisi. Alors... Le Marquis de Sade. Ah. Non, finalement. On passe en moins de 18. Peut-être masqué, arrête de nous écouter. Finalement, c'est une mauvaise idée. Et encore un peu, on n'arrivait pas à le citer. Hein. C'est vrai. Et toi, tu n'as pas parlé de ta barrière de corail. Tu veux en parler ? Ben non, j'attends la suite Buffy. J'attends la suite du truc sur l'aquarium, là. Deep Aquarium Magnus. Ah bah oui, ça parle de quoi. Magnel. Ouais, voilà. Puis moi, le prochain truc où il y a un vampire dedans, je parlerai de Buffy. Vampire, oui. Licorne, je m'en fous. Sorcière. Licorne. Licorne ? Quoi ? Pourquoi licorne ? Je sais pas. C'est pas possible une licorne vampire ? Bah, c'est compliqué parce qu'en fait, la licorne, c'est un être pur. Alors, dans l'épisode 3 de Legend of Tomorrow, il y a une licorne démoniaque. Oula ! Parce qu'on nous apprend que les licornes sont des créatures démoniaques. Ah merde ! Qui plantent les gens avec leurs cornes dans le cœur pour extraire le cœur et le manger après. Ah ouais. Voilà. Quoi ? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Legend of Tomorrow. Du coup, c'est un acte plutôt bon de tuer une licorne. Voilà. Ouais ! Pourquoi t'en as déjà tué ? Allez les amis, disons au revoir. Il est grand temps de se retrouver pour un prochain numéro. bah, et de dire au revoir. On va essayer de reprendre un rythme plus régulier. On va essayer. Oui, ouais. Faire de notre mieux. On va essayer, ça serait bien. Parce que c'est pas gagné avec. Avec Chris. Ah bah moi je suis toujours présent, hein. Ouais. Moi je suis toujours là quand il faut. Oui, c'est pas moi. Je suis présent, je suis à l'hôpital. Ah bah. Ah voilà. Et toi, il est toujours présent. La présentation est lamentable, mais il est toujours présent. Enfoiré. Et toi qui pars en vacances quand on doit enregistrer? Bah excuse-moi de partir en vacances au bout d'un an, je crois que j'ai le droit quand même. T'étais déjà parti en vacances à Noël, tu te fous ma gueule? Je suis parti un jour. Mais c'est déjà des vacances? Non. Alors, pourquoi t'as besoin de vacances quand ton métier consiste à dessiner toute la journée? Dessiner des Mickey. Parce que ça fait mal à la tête. De dessiner des Mickey? Dessine d'autres choses, je sais pas. Ouais. Tu me splaines toujours, de toute façon, c'est dessinateur. Dessine des zézettes. Bon, bien. À la prochaine, merci, au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. A plus. Ciao. Oh, j'achète un jet machine. Qu'est-ce qu'on est con.